Je vois. Mais c'est parce que c'est l'intro du podcast la semaine passée, là. T'as commis une phrase que, ben, comme une petite réplique qu'on dit toi pis moi, pis y'a aucun contexte pourquoi je parle de pied. C'est le pied du micro que j'avais acheté, mais y'a comme zéro contexte. J'ai peut-être fait ça. J'ai fait le montage dimanche soir, il était tard. Mais tu sais, c'est drôle, mais comme. Je comprends l'unabite de pas comprendre là parce qu'il y avait absolument aucun contexte. Tu parles de pied? Oui, c'est mais ça. Oui, Anne-Marie, elle fait souvent ça. Elle prend son pied. Oh oh oh! Voir qu'on n'a pas fait cette joke-là la semaine passée. J'ai peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, ça? T'as-tu ça, se marier? Hey, on fait-tu un podcast? On pourrions. Pourrions-nous faire un podcast? Pourrais-je prendre l'affirmation que nous sommes en date du jour de l'année 2018, 18 janvier, et que, cher public, vous écoutiez « On a juste une vie », épisode 184 de l'An de Grâce. Je l'ai dit un peu tout croche. 2018. J'affirmions par la présente que quand ma personne de Narf, je suis... Et là, c'est à ton tour. Oh mon Dieu, j'avais pas compris! Je sous-signais Anne-Marie. C'est bon. Blob est pas là, Blob est à J-Anim. Et là, j'ai même pas regardé qu'est-ce que t'as joué, j'ai même pas regardé ce que t'as mis sur Alice. Parce que On a juste une vie, c'est un podcast bien préparé. Mais là, je vois que toi, t'as No Man's Sky. Tu t'as joué en stream sur notre page Facebook, puis je l'ai pas vu. Mm-hmm. Je sais pas à quel point t'as eu de la misère. Je suis curieuse d'en entendre parler, voir. Comment ça, avoir de la misère? Ben, le premier point que t'as mis sur la feuille de route, c'est mon début laborieux. Ah! Oh. Ouais! Quoi, je me base là-dessus. Non, mais c'est correct, c'est parce que mon frère a écrit un commentaire aussi, tu sais, genre, quand j'ai commencé à streamer, oui. Il a écrit quelque chose comme « Tu sais que si tu utilises le joystick, tu pourrais avancer. » Puis là, j'étais là comme « Je le sais, c'est juste que j'étais en train de préparer le stream. » Ah, ok, c'est parce que t'avançais pas. Ben, c'est parce que je pense que là, il l'a écouté en... Il a écouté comme la reprise. Il l'a écouté en reprise. Fait que, tu sais, après avoir écouté 30 secondes puis il se passait rien, il était comme « Tu sais que tu peux bouger. » Mais, ouais. Non, si vous écoutez la reprise sur Facebook, et je l'ai aussi reposté sur mon compte YouTube personnel, je pense. T'as-tu fait du montage pour enlever la section de... De une minute où est-ce que je fais rien? Non. Oh, c'est une minute. Oh, je me suis dit, je vais le downloader, je vais faire le montage. Puis j'ai regardé, je fais, c'est une minute. Genre, mais on s'en fout. OK. Ça n'a pas pris bien longtemps pour qu'il s'impatiente. Non, mais ça fait ça, là. C'est parce que Facebook t'apprend à ce que, genre, tu scrolls. Mm-hmm. Genre, s'il y a une vidéo, tu vas peut-être porter 6 secondes d'attention, gros max. Ça, c'est pas une seconde avant de continuer à scroller. Fait que si t'as une minute et demie qui se passe rien parce que Narf set up ses affaires, je sais pas comment les gens font pour, comme, streamer sur Facebook puis comme être prêt. Mais je dis probablement... Ah oui! Facebook a des options, je pense, pour que tu puisses, comme, commencer à streamer, mais il est pas public. Fait que tu peux, comme, faire ton setup, t'écouter, faire le check-up. Puis là, quand t'es prêt, tu fais, comme, go live. Puis là... Fait que, tu sais, tu streams pour vrai, tu streams à Facebook, Facebook te le renvoie pour que tu puisses écouter puis voir, genre, ajuster ton son, mais mais t'es pas encore public. Un peu, en fait, on fait la même chose dans Google Hangout. C'est pour ça que je comprends pas comment ça se fait que genre YouTube Gaming puis tout ça, puis Twitch a pas une option. Twitch a ça aussi, je pense, non? Je sais pas. Je pense que oui. Peut-être. Moi, je m'en sens pas parce que je fais mes tests directement sur OBS, mettons, là. Comment tu fais? Comment tu fais pour t'entendre? Je fais des affaires très épaisses, genre enregistrer un snippet de 5 secondes puis m'écouter. Ah, genre utiliser la fonction record local? Ouais. C'est une bonne idée. Ouais, mais c'est juste que tu veux pas... Tu voulais savoir que ça fait la lavalampe quand ça explose? Ah! Oui! Ça fait ça! Ben là, okay. Elle a explosé particulièrement joliment en un petit filament qui a comme monté. Alors, pour ceux qui nous écoutent en audio, Narf, moi, tient dans la webcam dans sa main et la pointe vers ma lavalampe qui, de sa base de cire, a un petit filament qui est monté dans les airs et qui explose en un nuage figé par la glace et le froid de l'eau qu'il y a dans la bouteille de lavalampe. Fais pas chouchou. Et puis c'est beau. Puis là, ben dans à peu près une demi-heure, tout ça va s'écrouler et il va faire des bébules. Ah, fait que c'est quand même long. Ben, j'ai dit, ça a pris quoi, 10 minutes, là? Fait que ça va prendre... Non, ça a pas été... Non, c'est pas si pire. Non, mais c'est parce que, mettons, j'imagine pas comme allumer ça comme juste pour lire une demi-heure avant de me coucher, mettons. Je vais à peine avoir le temps de commencer à avoir des bulles relaxantes. Ouais, non. Faut que t'aies une heure. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool. Bon, de quoi qu'on parlait, là? On parlait de streaming. Tu parlais de que tu faisais des tests en t'enregistrant. Ouais, c'est ça. Pour avoir le volume et tout, là. Ouais, je fais l'option record de... Mais il me semble que le nouveau version de BS, il y a comme un... Il y a moyen de t'écouter. Non, c'est peut-être juste la vidéo. Ouais, t'as raison. C'est peut-être parce que la fonction aperçue, tu vois comme la vidéo, là, mais c'est vrai, tu t'entends peut-être pas. Parce que sinon, ça ferait du feedback parce que t'entends déjà ton jeu, puis là, tu rentrerais ton jeu. Là, Ouais. Puis de toute façon, tu veux aussi tester comme est-ce qu'il capte bien le jeu? Est-ce que mon niveau d'encodage est assez élevé? Est-ce que je l'envoie assez? Est-ce que ma vitesse d'internet est assez rapide pour l'envoyer à Twitch? Tout ça est les niveaux d'encodage, je touche pas à ça. Je prends les standards de Twitch. Ah. C'est une idée. Je touche vraiment pas à ça. Là. Il y a comme des données de Twitch qui se posaient comme accepter juste. Ouais. Moi, dans OBS, tu dis je veux streamer vers Twitch, puis là, il te met toutes tes settings-là. Ah ouais. C'est vraiment sweet. Mais sinon, tu peux les trouver, là. C'est bien, parce que ça, j'ai aucune idée comment ça marche. L'encodage, puis ces affaires-là, là, je suis comme, oh. Ben, je mets des chiffres. Mais qu'est-ce? Ben, c'est pas compliqué. Choisis la résolution de ton écran. Parce que c'est ça que tu veux streamer anyway. Fait que ça, c'est la résolution. Ça, c'est facile. Après ça, le niveau de KBPS, ben, ça se voit un peu au feeling. Si tu prends un jeu, si t'es comme moi et tu veux sauver ton internet pour pas trop streamer, ben, tu mets ça à 2-3 000. Je pense que Twitch prend jusqu'à 8 000. Tu sais, 8 000, ça commence à être pas pire bonne qualité, là. OK. Puis je pense que YouTube, tu peux monter encore plus que ça. Ou c'est le contraire, c'est Twitch arrête à 3000 puis YouTube monte à 8000. Je le sais pas. Oh my god, je sais même pas c'est où. C'est pas grave. Après ça, pour l'audio, ça tu t'en fous, tu mets ça à 128, ben en masse. Ah oui, 2500. Ah ben, Minou, tu caches tout. Oui, non, ouais. C'est mieux de pas avoir un chat qui cache tout. Oh my god. Quand je préfère des affaires vraiment importantes, là, genre healer un groupe pour faire un donjon dans Final Fantasy XIV puis qu'il décide qu'il se couche là. Hey boy! Inacceptable. Mais... Tu le pognes, tu le pitches. Oh, mais si adorable. Tu le pitches! Mais si adorable. Ah là là. Bref, ouais. Si tu veux, mais c'est compliqué. Va, je me rappelle tellement, là. Car les premières le healing fois... n'attend pas. Les premières fois que j'ai décidé d'essayer OBS puis de streamer comme... Ben, de juste enregistrer, voir de quoi ça aurait l'air, mettons, si j'essayais de streamer, là. Je sais pas pourquoi mon son était en deux fois plus lent. Faut que je parlais comme ça tout le long. C'était pas bon. Étrange parce que... Bref, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, c'est peut-être la fréquence que t'as gossé avec, je sais pas, mais normalement, il devrait... Je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que mon ordinateur était pas capable d'enregistrer puis de faire jouer le jeu en même temps. Fait qu'aussitôt que j'ouvrais le jeu, là, tout devenait comme divisé par deux, genre. À cause de la fréquence... Je sais pas. C'était weird. Mais... En tout cas, on parlait de No Man's Sky. Et non de on parlait de No Man's Sky que j'ai streamé. Ben oui. Et qu'après une minute, j'avais fini de le setuper et puis j'ai commencé à jouer. Puis là, c'est-tu vrai que c'est rendu bon? Ben, c'est bon. Non, mais c'était une de nos prédictions en 2017, qu'en 2017, No Man's Sky allait devenir potable. Ah oui, c'est vrai! Mm-hmm. Ben, moi, je trouve ça bien correct. C'est pas parfait, parfait, là. Ça reste quand même un jeu indie, mais c'est pas pépé pantoute. C'est que... Puis là, tu parlais de mon début laborieux, là. Oui. Sur une planète hostile. Non. Oh. Je sais pas. Tu mets-tu sur n'importe quelle planète? Mais je le sais pas. Mais tu sais, tu commences le jeu, t'es comme... T'es là. T'as un vaisseau écrasé à côté de toi. Une coupe de chest puis de machine pétée qui fume à côté de toi. Puis le jeu fait comme... C'est ça! Go! OK. Puis là, t'es comme... OK. Ouais. Puis, genre... je sais pas si c'est parce que... Mais je suis tombé sur une planète que... Il y avait des radiations. Fait que... Je pense que c'était durant la journée, quand il y avait du soleil, il y avait des radiations. Fait que je pouvais pas rester dehors trop longtemps. Fallait que je retourne constamment à mon vaisseau. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui! Le principal problème, puis je sais pas, encore une fois, c'est peut-être fait de même, là, mais moi, ils m'ont commencé, j'étais sur une espèce de montagne, d'un plateau de montagne. Un peu, t'as joué à Zelda... Non, t'as joué à Breath of the Wild? Ouais, au début, t'es sur un plateau, puis tu peux pas descendre parce que tu te pètes la gueule en bas. Exact. Bon, ben, dans Zelda, c'est comme un choix de design voulu. Oui, pour te limiter. Pour te limiter et t'empêcher de t'en aller partout. Et ben là, je pense que j'ai juste été bad luck. Puis le jeu m'a juste commencé de même. Puis tu sais, j'ai pas pensé à faire... Mais là, peut-être que je pourrais me faire un autre save file puis recommencer. J'ai juste fait comme... non, j'ai pas pensé. Fait que j'ai continué. Mais genre... Tu sais, à un moment donné, j'avais fait le tour de mon petit îlot, puis j'avais tout ramassé ce qu'il y a dedans, puis là, je réparais. J'étais comme, ah, OK, c'est voulu, c'est fait de même, mais c'est pour pas que je m'en aille trop loin. Sauf que là, à un moment donné, il me demandait de réparer des affaires, puis j'étais comme, ouais, mais il y en a plus de carbone. Il y avait deux plantes, je les ai ramassées. Il y avait des petites roches pour me donner du fer, je les ai pétées. Là, j'ai tout vidé, là, mon îlot, il n'y a plus rien. Puis là, j'étais comme, bon, mais qu'est-ce que le jeu, il veut que je sorte, là? Là, je faisais le tour de mon petit îlot. J'étais comme, où est-ce que je pourrais y aller? Y a-t-il une petite pente un peu que je pourrais y aller? Puis là, j'avais un jetpack. Fait que j'étais comme, ah, peut-être qu'il faut que j'utilise mon jetpack. Puis là, ma grande inquiétude, c'était, ouais, mais une fois que je vais être descendu, je vais essayer d'être capable de remonter. Ce qui n'était pas facile parce que, genre, pour avoir fait le test plus tard, si je faisais juste me mettre à côté de mon îlot, partir de mon jetpack, puis monter jusqu'en haut, je ne montais pas assez haut. Okay. Fait qu'il fallait que, tu sais, je regardais autour, puis là, j'étais là, ouais, si je saute, mon jetpack, il monte à peu près de ça. Là, je vois une petite montagne là. Probablement que si je vais sur cette falaise-là, puis je grimpe jusque-là, je vais pouvoir me jetpacker jusque sur mon petit îlot avec mon vaisseau. Hey boy. Fait que ça a pas été facile, mais j'ai réussi. Puis là, pas pour m'aider, tu sais, au début, tu connais pas le jeu, tu sais pas que ça fait. Il y a plein de menus, il y a plein d'affaires à apprendre. Beaucoup de ressources aussi. Ben, au début, c'est... Il y a un inventaire à gérer. Il y en a beaucoup au début, mais il y en a quand au point où je suis, je suis comme, non, il y en avait vraiment pas beaucoup. c'est un bon tutorial. Tu répares ton vaisseau, puis il y a comme des machines pétées que tu dois réparer pour pouvoir ouvrir. Puis tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est juste comme, ben, il y a un container. Là, tu dis, ben, je vois, ça me prend de l'iridium pour l'ouvrir. Bon, je trouve ça où de l'iridium? C'est un peu weird, mais OK. ça prenait d'autres affaires aussi, mais c'est parce qu'il faut que je le répare. Il y avait un lock électronique. Il faut que je répare la pièce électronique pour pouvoir ouvrir le container. C'était ça le concept. Je suis comme, OK, ben, on va en trouver. Puis, le jeu te donne des hints, puis des il utilise le système de quest pour te quester dans ton tutorial. C'est vraiment laid, ça, comme phrase, mais... genre, te dire, bon, OK, là, tu veux réparer ton viseur. Bon, ben, pour réparer ton viseur, ça prend 30 fers. Fait que là, pète des affaires. Là, tu pètes des affaires, t'as 30 fers. OK, va dans le menu, répare ton viseur. OK, good. Maintenant, avec ton viseur, tu peux scanner les affaires. Tu peux scanner les plantes. Ah, les plantes, ils donnent du carbone. T'as besoin de carbone pour l'autre affaire. Bon. Il te l'explique pas, mais il fait juste te dire, gars, tu devrais faire ça. C'est pour ça c'était quand même intéressant comme tutorial. Il dit pas comment le faire, mais il dit quoi le faire, puis il dit juste assez pour que tu sois capable de le faire. Mais t'as une grosse partie où il faut que tu gosses par toi-même. Puis je trouvais ça pas mal intéressant comme approche de tutorial. C'était comme un tutorial actif. J'avais pas l'impression que le jeu me disait exactement quoi faire, puis tout. Il n'y a pas de 1000 pop-up constamment à la Assassin's Creed et autres jeux Ubisoftiens. Parce que t'as... Bon, c'est peut-être moins pire maintenant, là, mais... Je sais pas, j'ai pas vraiment joué. Fait que... Bref, il te prend pas par la main. Non. Et là, ils te font construire une espèce d'antenne pour scanner, pour aller trouver les métaux un peu plus rares. Puis comme un épais, j'ai scanné deux fois. Puis là, tu sais, la première fois, il me dit, ah, OK, il y a quelque chose à tant de distance, puis il dit, ça va te prendre 2 minutes de te rendre. Puis je suis comme, ah, 2 minutes, c'est correct. Mon live support t'offre à peu près 5 minutes, fait que je suis correct. Sauf que comme j'ai rescanné une deuxième fois, là, il dit, bon, il te rescanne à un autre point, puis il dit, ah, regarde, il y a un autre gisement là-bas à 7 minutes. OK. Là, j'étais là comme, je veux revenir. Tu as perdu le premier? Puis là, je rescanne encore en me disant, il va me redonner le premier. Non. Là, il me donne 8 minutes. J'étais là, oh, on recommence. On scanne. Jusqu'à temps que ça me loop back jusqu'au premier. Ça n'a pas loopé back jusqu'au premier. J'étais rendu à 18 minutes. Il va te chercher plus loin. Fait que là, j'ai fait, bon, je me souviens vaguement qu'il m'a dit que c'était par là. Je devrais être capable de le trouver. De toute façon, je sais pas de quoi ça ressemble. Fait que, qu'est-ce qui peut arriver? Fait que je suis allé à peu près vaguement par là. Puis là, je vois une espèce... À un moment donné, je vois une grosse colonne. Puis là, je fais, ah, c'est quoi ça, cette grosse colonne? C'est tout bleu luisant. Puis là, je scanne ça. Je fais, ah, de l'iridium! Exactement ce que j'ai besoin! Fait que là, je suis comme, comment qu'on fait à ramasser ça, tu sais? Jusqu'à maintenant, je donnais des coups de marteau avec mon gun pour ramasser les affaires. Puis là, des coups de crosse de gun? Ouais. Puis là, j'ai découvert qu'en fait, tu peux tirer, puis avec un laser, ramasser plus vite. Fait que là, je ramasse... Mais les planètes sont pas comme toutes bonnes? Comment? Tu vois, si tu dis que tu scannais, genre, dans le fond, t'as détecté des planètes qui avaient ce que tu voulais, c'est ça? Ah, j'ai... Non. J'étais pas encore décollé, là. J'étais sur la même planète. J'ai pas encore bougé. Okay. Durant tout ce temps-là, je réparais mon estime de vaisseau. Non, mais je pensais que t'étais... Parce que tu disais ton life support, puis tout, je pensais que t'étais dans ton vaisseau, puis c'était pour te rendre sur une autre planète, là. Non. Tu commences, ton vaisseau, il est pété, t'es écrasé, tu dois réparer ton vaisseau, puis c'est ça qui est trop hot! T'étais rendu. Non, j'étais pas encore rendu, là. Mais tu sais, il y avait des trucs optionnels, tu sais, à un moment donné, il est arrivé un moment où j'avais réparé mon vaisseau, je pouvais m'en aller, mais j'étais comme, je veux pas m'en aller, il reste encore des chests autour que je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit être bon. Puis, tu sais, flash forward, là. J'ai ouvert les chests, puis c'était... Oui, c'était quelque chose de bon, mais j'aurais pu skipper ce bout-là. Mais tu sais, fait que j'ai mis vraiment beaucoup d'efforts avant de décoller pour de vrai. J'imagine que toutes les planètes ont tellement de stock que comme tu peux passer plus de temps sur une planète, tu pourrais aussi changer de planète puis avoir plein d'autres affaires. Ouais. J'imagine que c'est comme... Mais là, j'avais pas encore décollé, là. je restais là, j'étais comme... Si je décolle, je retrouverai pas cet endroit-là, puis il y a comme des affaires bonnes ici, là, qu'il faut clairement que j'ouvre, peut-être. Mais je les ai ouverts, puis là, j'étais comme, ah, ça me donne un cube de quelque chose que je sais pas c'est quoi. Ça me donne des petits morceaux, pièces électroniques que je sais pas c'est quoi. J'étais comme, bon, ben, j'espère que c'est important, parce que je viens de passer une heure là-dessus. Mais tout ça, ce que ça fait, là, ça fait quelque chose d'assez cool. C'est que quand tu décolles, après avoir passé une heure à réparer ton vaisseau puis à gosser cette crise de planète-là, avoir rencontré des petites sentinelles qui tirent dessus, des animaux bizarres, puis avoir scanné plein d'affaires, quand tu décolles, là, t'es comme « Wouhou! » Parce que là, t'es comme « Yeah! J'ai réparé mon vaisseau, je veux partir! » Bon, tu peux pas aller bien, bien loin parce qu'il te manque encore des ressources. Pour... Ouais, c'est ça. Ton vaisseau, il part, mais probablement qu'il y a genre pas de gaz puis pas de moteur. Non. Ça, tu faut que tu le répares, justement. Là. OK. Ça fait partie des choses qu'il faut que tu répares. Faut que tu répares. Mais tu vas pas traverser la moitié de la galaxie, genre. Ah, ben non. Ben non. Tu peux même pas jumper dans un autre système solaire. Non, OK, c'est ça. Tu peux te rendre dans un autre. T'as un avion. Bref. Fait que là, tu sais. Sauf que là, comme un épée, je sors dans l'espace. Je suis comme « Wouhou! Je suis dans l'espace! Wow! » Là, il y avait comme, à un moment donné, ça fait comme « Piou, piou, piou! » Puis là, il y a comme des vaisseaux qui apparaissent devant moi et j'imagine qu'ils ont utilisé comme un « jump faster than light » ou quelque chose. Là, je suis comme « Ah, je vais aller les voir, qu'est-ce que ça fait? » Puis là, j'arrive proche, puis là, mon scanner me dit « Ah, oh, regarde, ils ont plein de containers de tel métal. » Là, je suis comme « Ah! » Faut-tu que je tire dessus? Faut-tu que je ramasse ça? On va essayer. Là. On va voir ce que ça fait. Piu, piu, piu, piu, piu! Là, pouf! Le container explose. J'ai plein de métal. OK. Oups! La police me court après. Oh non! La police me fait exploser vraiment vite. Et non! Quand je ne savais pas où aller, ni comment me défendre, ni comment tirer sur les autres vaisseaux, vraiment. Et là, j'ai explosé! Puis là, je m'attendais à ce que ça genre reload une save file ou quelque chose. Puis là, non. Je me réveille dans un endroit... Ah, il y a comme pas de... Enfin, c'est ça, il n'y a pas de save reload, là. Tu fais juste comme continuer, tu sais. Ben, j'aurais pu reloader une save, mais j'y ai pas pensé. Parce que le jeu, comme... tu meurs, puis là, c'est comme boum! T'es respawn. À côté de mon vaisseau, pas pété... dans un endroit noir, dans une espèce de hangar noir avec des lumières de néon partout. Puis là, j'étais comme, où est-ce que je suis? Ça avait l'air d'un hangar d'alien. Fait que, là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais ici? Je vois comme d'autres vaisseaux qui rentrent puis qui sortent. Fait que j'étais comme, ah, c'est peut-être comme une espèce d'aéroport. Il y a une petite porte au loin que je peux pas vraiment me rendre. Puis il y a deux escaliers avec des portes en haut. Fait que là, je prends un escalier, je me dis, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en haut. Là, j'arrive dans une espèce de salle d'attente avec des aliens que j'ai jamais vus. Parfois, ils t'ont recueilli, puis eux, ils vont demander une rançon. Qui sont toutes bizarres. Ils sont toutes là à chiller dans une espèce de salle d'attente, puis un petit comptoir avec un bonhomme. Puis là, je parle à ces aliens-là. Pis le jeu fait juste afficher comme du texte que tu comprends rien. Je suis comme, d'accord. Pis le jeu te dit genre, OK, le alien fait cliquer son bec au même rythme que tu clignes des yeux. J'étais comme, ah, OK. C'est creepy. Génial. Puis là, tu peux leur donner des affaires. Puis là, ils te donnent des affaires. Mais tu sais pas c'est quoi. Puis là, il y avait des... Puis là, je scannais dans la pièce. Puis là, je scanne les plantes. Puis là, ça dit, ah, les plantes sont faites en carbone. Puis là, je pouvais ramasser le carbone. J'imaginais De leur plante de maison. De leur point de vue. C'est comme, les autres sont en train de chiller dans la salle d'attente de cet aéroport. Il y a un hurluberlu qui débarque. Un alien. Pas un mot, qui comprend rien, qui leur donne des affaires, puis qui mange les plantes. Tout d'un coup, toutes les plantes ont disparu. Ah, je trouvais ça immensément drôle. Puis là, tu comprends, dans le fond, c'est juste, c'est une station spatiale, puis comme, tu peux... La police, elle t'a pas couru après pour avoir volé non, les pétunias? C'était fini, là, c'était fini. OK. C'était fini, ça. Non, mais je veux dire parce que t'as piqué les plantes. Parce que j'ai mangé des plantes? Ouf, je pense... Les plantes étaient encore là, je les ai pas pétées, j'ai juste ramassé un peu de carbone. D'accord. Fait que ça c'était drôle. Après ça, j'ai plein d'autres aventures que je pourrais raconter, mais peut-être que je pourrais les raconter une autre fois. Ça a l'air cool en tout cas. Vu de même là. Mais genre... tu sais, dans le fond, c'est de l'exploration puis du ramassage de ressources. Le jeu en tant que tel, ouais. Il y a comme. Il y a des missions, là. T'as des side quests que tu peux faire. Justement, dans les stations spatiales. Bon, au début, tu peux pas, là. Mais. Après un certain temps, t'es capable de te ramasser des petites missions. Genre, va scanner des minéraux, va tuer des sentinelles, va tuer des animaux. Des animaux? Peu... Ouais, pourquoi c'est du braconnage? Je sais pas, c'est un peu violent. Des enfants de même, là. Les plus drôles, c'est genre retrouver une personne disparue. Là, tu fais, oh, OK, ouais, ça va être intéressant, ça. J'imagine, il va falloir que je parle à du monde que je vais pas comprendre, puis il va falloir que je cours après. Puis là, ça dit, cette personne a été vue pour la dernière fois à tel endroit. Fait que je suis comme, ah, ben, je vais aller là, je vais poser des questions, je vais trouver des indices, puis là, ça va me donner d'autres endroits à aller visiter, puis je vais faire un moment donné, je vais retrouver la personne. Mais non. Tu te rends là. tu te rends aux coordonnées. Il y a une petite maison. Tu rentres dans la maison. La personne est là. Tu dis allô. Puis là, tu te communiques, tu dis genre, je transmets les coordonnées de la personne disparue. Puis j'étais comme, drôle. Elle était pas bébé disparue, elle était exactement là où tu m'as dit qu'elle serait. Ça fait deux fois que je fais des missions comme ça, c'est niaiseux de même. C'est donc bien drôle. Ça c'était pas mal drôle. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Souvent, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que genre... Il te manque des matériaux. Comme tu veux. T'sais, le jeu dit bon, mais là, il faudrait que tu ailles dans un autre système solaire. Puis là, pour ça, ben, ça te prend un moteur. Ben, pas un moteur, là, mais un warp drive, genre. Une machine à. Un moteur, mais différent, là. Un réacteur. Un réacteur de je sais pas quoi, là. Fait que ton warp drive. Fait que là, pour construire le warp drive, ça te prend telle sorte de métal. Puis là, tu peux scanner les planètes pour faire, OK, il y en a sur cette planète-là. Sinon, tu peux vendre des cossins. Tous les cossins que les aliens te donnent, puis que tu sais pas quoi, ou que tu trouves dans les containers, puis que tu sais pas c'est quoi. Ben, je suis comme, hey, fuck it, ça vaut 20 000 piastres, je le vends. Puis là, j'achète les affaires que j'ai besoin. J'achète mon morceau de moteur. Je construis mon warp drive. Puis là, je dis, ben, maintenant, ça prend des warp cells pour mettre dedans. Là, pour en faire, il faut que tu ailles chercher telle sorte de gogos, puis telle gogos, puis que tu achètes tel truc. Puis là, tu... Ainsi de suite, comme ça. Puis là, tu te fabriques tes warp drives. Puis là, tu t'en vas dans un autre système. Puis ainsi de suite. Puis t'as des souvent, tu peux obtenir des blueprints. Pour te fabriquer des upgrades. Mais c'est ça, à chaque fois, il faut que tu le fasses. T'as juste le plan pour le faire. Ah, mais là, c'est cool, là. Puis après ça, tu veux... Ton inventaire est vraiment petit. Fait que tu peux faire des... Tu peux construire des machines qui scannent les planètes puis qui vont te dire, genre, ah, il y a un... À telle place, il y a un drop pod. Puis ça, quand t'en as visité un, tu finis par savoir, genre, ah, un drop pod, je peux upgrader mon inventaire à cette place-là. Ah, ok. Mais je sais, il me semble que j'avais entendu ça comme critique, que l'inventaire était tellement petit que tu te ramassais tout le temps en plein. Ouais, mais ça, c'est Mais clairement ça fait vu partie. de même. Parce que sinon, ça serait comme. C'est comme. C'est ça le but du jeu. Le but, c'est que tu sois Ouais, constamment en train de chercher des matériaux, puis tu peux pas te faire une réserve. Ben, tu peux un peu pour les choses de base, là. À un moment donné, c'est ça que tu fais. J'ai toujours ma petite réserve de fer pour alimenter mon pulse drive. J'ai toujours ma petite réserve de plutonium pour alimenter mes thrusters, ma petite réserve de TH, je sais pas quoi, pour de thérium technicien. pour mes pteridium, je peux, ouais, Non, technicien. pour mes scanners, puis mon gun pour miner les matériaux, en tout cas, mon life support, toutes ces choses-là. C'est-tu la queue du chat qu'on voit passer dans les grandes lignes? J'étais comme, ah, Anne-Marie joue avec un rideau noir, c'est drôle. Non, Ah ils non, sont c'est la queue du tannants. chat. Ça sonne le fun. Ah non, c'est vraiment cool. Puis là, Mais je j'ai. remarque de plus en. Allons, excuse, Il y fini. a. Y a puis y a, t'sais, c'est ça qui est le trip, c'est que le jeu te donne des coordonnées, tu parles aux aliens, puis ils disent, ben, il y a quelque chose d'intéressant à tel endroit, mais tu sais pas c'est quoi. Fait que là, tu fais, bon, allez voir c'est quoi. C'est quoi ça un monolithe? Explorer. C'est quoi ça Ah un oui, le trade monolithe. station? Fait que là, tu y vas, puis tu fais, ah, c'est ça. Puis la première fois, tu sais pas comment ça marche. Puis là, tu poses ton vaisseau, puis tu sais pas comment rentrer. Puis à un moment donné, tu fais, ah, oh, fallait que je me pose dessus. Quel con! J'avais pas C'est besoin de posé à sauter avec côté. mon jetpack. Oh non. C'est comme, je trouve ça Il y a pas intéressant d'entrée piéton. d'apprendre. Ben, il y en a un peu, là, mais c'est vraiment bizarre. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Puis même à un certain point, je suis déçu un petit peu que le jeu soit pas encore plus alien. Que ce soit pas encore plus compliqué. Ah, ben tu veux dire qu'il y ait plus d'aliens ou que ce soit plus compliqué? Que ce soit plus weird. Ah, ok. Parce qu'à Mais un je moment pense donné, qu'ils ont c'est fait comme. d'updates Comment? dans ce sens-là, là. Je Qu'est-ce pense que que tu veux les dire? updates, c'était beaucoup sur les populations aliens, puis les quêtes qu'eux autres y donnent, puis les factions, puis je suis pas sûre que c'était là à la sortie du jeu, genre, aussi bien développé, là. Ah, peut-être, mais moi, c'est pas ça que je parle. Je parle de genre pas comprendre. Ah, ok. Dans le sens alien, dans le sens comme c'est complètement inconnu Étrange. et bizarre et je sais pas ce que ça fait. C'est ça qui est le trip, c'est que tu ramasses des objets pis t'es comme, je sais pas qu'est-ce que ça fait. Puis à un moment donné, tu le donnes à quelqu'un puis la personne est contente. Fait que tu sais, ah, ben, la prochaine fois que j'en trouve, je vais y donner. Puis, T'es-tu capable de revoir le monde que t'as vu une fois? Oui, ben les gens dans les stations spatiales, chaque système solaire a sa station spatiale, puis c'est tout le temps la même personne qui est dedans. Ok. Mais je pense qu'eux autres aussi, c'est random. Fait. C'est un autre critique que j'avais entendu, c'est que le monde disait que tu peux mettre un waypoint, mais que des fois, comme tu peux en mettre juste un, puis là, c'est d'après faire une deuxième quête, ben là, tu sais plus où aller remettre ta quête parce que t'as pas de waypoint, où est-ce que t'es allé la chercher, genre, ça avait été un problème au début. Genre, le monde est comme pas capable de retrouver les NPC qu'il avait déjà vus. Mais j'imagine qu'ils ont réglé ça parce que c'est clairement à poche comme problème, là. Pour une quête, je pense que ça te dit c'est où. Je pense que quand tu checkes ta map galactique, Oh, peut-être que c'était juste du trading, ça te le bord. dit. Ben ça, c'est genre tu rencontres un autre alien puis tu vas de la même race puis tu vas lui donner ton objet. Ah, ok. Parce que c'est comme il n'y a pas. Tu sais, c'est pas genre, il me demande un objet, je vais aller le chercher puis je vais revenir. C'est genre, il me demande quelque chose, est-ce que j'en ai, oui ou non? Si j'en ai pas, c'est pas grave, il me le redemandera On pas. passe à d'autres choses. Ok. Parce que si tu lui dis non, j'en ai pas, il va pas te le redemander anyway. Ah, C'est plus comme genre, il y en a de besoin là, j'en ai-tu, oui, non. Tu sais, des ok. fois, les aliens, tu peux leur offrir de t'apprendre des mots de vocabulaire. Justement, c'est comme ça Ah. pour comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il Ouais, raconte. c'est hot, ça. Ça dépend des races. Les races veulent différentes affaires. Les geeks, eux autres, tu leur donnes juste du cash, vraiment des peanuts de cash pour les t'apprendre des mots de vocabulaire. Mais les autres races, ils te demandent des trucs un peu plus précis. Mais tu sais, ils te le demandent pas. C'est juste, j'en ai un, je leur offre. Puis là, ils font, ah, je peux t'apprendre un mot de vocabulaire avec ça. Fait que, c'est ce que je trouve cool du jeu, c'est que ça soit comme weird et incompréhensible. Et je trouve que ça aurait pu l'être encore plus. Je trouve qu'il y a trop d'affaires qui ressemblent à ce qu'on s'attendrait. Qui ressemblent à de la science-fiction. D'un truc d'opération, d'exploration spatiale. Les races aliens sont toutes un peu humanoïdes. Puis je suis comme... Il aurait pu être encore plus weird. Surtout la race de genre robot slash Daft Punk. Cool. Ben, ils ont comme des combinaisons de cosmonautes puis un casque de Daft Punk avec des lumières. Ouais, ok. Mais c'est vrai que c'est bizarre, je trouve, la science-fiction qui imagine que toutes les autres aliens ont un corps humanoïde, là. Ouais. Je trouve ça c'est la partie. Ça fait pas de sens. Ben, je veux dire, I guess que Star Trek, c'était ça, là. Fait que, yes. Ouais. Mais... Puis, tu sais, fait que là, c'est comme... Ce que tu fais dans le jeu, en fait, c'est que tu t'essayes de découvrir tes qui, ce qui est intéressant. OK, ton personnage est réellement quelqu'un. T'es pas un nobody. Ben, t'es un... Tu le sais pas. OK. Il y a quelque chose qui donne un indice que peut-être que tu serais quelqu'un. Ben, je pense... De ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, je sais pas, c'est vraiment du spoiler? C'est pas vraiment du spoiler, là. C'est pas la grosse affaire. C'est genre... T'es comme pas les trois races que tu rencontres. OK. Puis... Fait que t'es comme un peu spécial pour ça, mais tu te vois jamais, fait que c'est comme... Je suis un humain? C'est pour ça que mon fantasy de genre, je suis rentré dans une station spatiale, il y a des extraterrestres, ils voient un humain pour la première fois, I guess, mais peut-être pas, puis ils mangent les plantes. Ça, je trouvais ça très, très drôle. C'est clair. Mais ouais, ce que tu disais tantôt à propos de chercher les objets, chercher les affaires... Ouais, c'est ça, t'es pas capable de te rendre à un endroit que t'as déjà visité, mettons, là. Ouais. Il y a beaucoup de ça. Puis c'est rare que t'as besoin de retourner. Ouais, mais... ben dans le fond, ça explique, là. Parce que souvent, c'est comme, t'arrives, ta map, ton radar t'indique un point d'intérêt, ou t'en découvres un juste en te promenant sur la planète. Fait que tu fais, ah, qu'est-ce que c'est ça, je vais m'arrêter, je vais aller voir. Fait que tu vas voir, tu... ramasse les choses qu'il y a à ramasser, tu parles au monde qui a parlé, puis après ça, tu es comme, ben, t'es fini, tu t'en vas, là. Mais la seule fois que j'ai voulu retourner vraiment à un endroit, c'est quand j'ai trouvé un vaisseau pété. Ah, OK. Puis t'avais pas ce qu'il fallait pour le réparer, mettons? Et là, je peux te raconter les aventures du vaisseau pété. Vas-y. À moins que tu veux garder ça pour la prochaine émission. C'était drôle. Ben, okay. Il me semble que ça fait longtemps que je parle. On peut arrêter. On peut le garder pour une prochaine fois. Ah, ou au pire, je vais plugger quelque chose puis on reviendra à l'histoire du vaisseau pété. Ben, j'ai d'autres affaires à parler de toute façon. Ah, okay. Toi, Marie, qu'est-ce que t'as joué? Moi, je voulais parler de Tesla Grad avant de l'oublier, parce que j'ai joué pendant Noël. Puis j'ai pas joué beaucoup, mais c'est un bon jeu. C'est juste pas un jeu pour moi, parce que je suis poche. Mais je pense que c'est un jeu que d'autres gens pourraient apprécier. T'sais, fait que je le plug. C'est un jeu pour les pas poches? C'est un jeu pour les gens qui sont capables de faire du platforming. Ah! Pas capable de faire pour deux scènes. C'est un puzzle platformer, puis c'est super intéressant, puis ça fait vraiment travailler aussi, c'est ça, non seulement comme la dextérité pour le platforming, mais aussi juste comme ça fait travailler la tête pour les puzzles. Là. C'est vraiment intéressant. Là. T'es un petit garçon dans genre d'Europe industrielle, mais steampunk, puis tu te rends dans Ils appellent ça une Tesla Tower dans la description sur Steam. J'avais comme pas vraiment réalisé que c'était une Tesla Tower. J'avais juste l'impression que tu te sauvais pis t'étais arrivé dans un endroit étrange. Mais t'es dans un endroit étrange pis là tu acquiers le pouvoir d'un espèce de gant électromagnétique qui contrôle des objets qui sont comme magnétisés, mettons. Ou que tu peux les magnétiser. En métal? Ouais. Mais c'est pas tous les objets. Mais en tout cas, bref. Fait que ça fonctionne un peu avec le plus puis le moins du magnétisme, sauf que c'est bleu et rouge parce que ben, c'est plus facile à voir que des plus puis des moins partout. Fait que tu peux décider que tu changes des objets de bleu à rouge, de rouge à bleu. Puis là, ben, s'ils sont de la même couleur, ils se repoussent. S'ils sont de couleurs différentes, ils s'attirent. Puis là, ça te permet de déplacer des trucs pour te faire des plateformes, pour libérer des chemins, puis être capable de justement progresser dans la tour. Je venais juste de faire l'acquisition d'un nouveau power-up qui me permettait de faire un genre de blink, de comme me téléporter, mais de quelques pas devant moi. Ça te permet de passer à travers les murs. Fait que ça, c'est un tout nouvel aspect aussi de... Fait que ça, c'est un peu comme les Metroidvania. Dans le fond, tu fais du platforming dans des zones. Puis là, tu réalises qu'il y a comme des choses auxquelles t'as pas accès encore, puis t'es pas capable de te rendre en sautant. Mais plus tard, tu vas trouver un power-up, puis là, tu vas revenir, puis là, tu vas être capable de te rendre au truc qui était caché avant, puis ça va t'ouvrir une nouvelle zone. T'sais. Fait que c'est le classique Metroidvania avec des power-up et tout. Mais c'est très clever, là, ça demande beaucoup de réflexion. C'est très, très physique, genre avec la physique du magnétisme. Là, tu peux changer, mettons, la polarité d'un objet vraiment rapidement, fait que... Ça va donner un momentum. Par exemple, si les objets se repoussaient, ben là, ils se séparent. Puis aussitôt que tu changes la popularité, vloup, ils vont venir se coller. Fait que tu peux servir du momentum pour, avec de la physique, te propulser ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Fait que c'est beaucoup de puzzles comme fait ça. Que fait que non seulement, enfin, je comprends pourquoi tu disais faut de l'agilité. C'est parce qu'il faut que tu contrôles ton bonhomme et des blocs et que en même temps. Tu penses à ça, ouais. Puis faut que tu résoudes le puzzle aussi, parce qu'il y a des pièces qui te disent, bon là, je sais pas comment passer à travers. On dirait que je suis bloqué, mais là, je vois que je peux faire bouger ça. Puis donc, faut que tu trouves le moyen de progresser. Fait que c'était bien intéressant, là. J'ai pas, faudrait que je m'y remette, là, que je réessaye, là. J'ai joué juste un peu, mais parce qu'à un moment donné, quand le platforming devient vraiment, vraiment plus ardu, moi, je perds patience super vite. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était un bon jeu, par exemple. C'est intéressant parce que, tu sais, je me serais attendu justement qu'il pousse un peu plus l'aspect physique puis puzzle plus que l'aspect agilité. Mais c'est les deux. Parce que ça prend vraiment une combinaison des deux, là. Ouais. Parce qu'il faut que tu times des fois pour justement changer la polarité de quelque chose. À un moment donné, il y a des bébites qui courent après aussi, fait que... Time. Le moment où les bébites apparaissent coïncide pas mal avec le moment où t'es capable de blinker puis de te téléporter un peu en avant de toi. Fait que, mettons, tu te téléportes comme l'autre bord d'un mur, fait que là, la bébite, elle peut plus t'atteindre. Mais faut que tu fasses ça vite. Mm. Ouais, non, c'est. Mais c'est vraiment bon. C'est la grade. Le jeu, il joue au ralenti pour que t'aies le temps. Ah ben peut-être qu'à un moment donné il y a un power-up pour ralentir le temps, je sais pas. J'avais juste ces deux power-ups là. Mais c'est cute là, t'es comme un petit garçon dans un monde steampunk. Là, c'est vraiment... C'est très mignon. Il y en a beaucoup là, des puzzle platformers avec de la physique. Ah ouais. Ah ouais. Il me semble qu'à chaque fois c'est comme... Ah, un autre platformer. Ah, avec de la physique. Ah. Il y en a beaucoup des bons aussi. Celui-là, il est bon, mais c'est vrai que je dirais que c'est vraiment pas le seul qui est bon comme ça. Là. Il est pas cher, par exemple. Tu sais, c'est un petit jeu indie, 11$ sur Steam. C'est là que je me rends compte que les platformers que j'ai joués, c'était plus pour l'ambiance. Mm. Parce que je repense à Limbo, qui était exactement ça, là. Un platformer avec de la physique pis des puzzles. Ah, mais c'était pas des puzzles tant que ça, Limbo. Ben, plus qu'on se souvient. Ah ouais, ben en tout cas, Tesla Grad, c'est vraiment plus, genre, littéralement, genre, des casse-têtes, là. Mais, ouais, Limbo, ben Limbo, j'étais bloqué, là, des fois, j'étais comme, ouais, ouais, j'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse pour avancer. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est plus comme une séquence d'événements ou aller au bon endroit ou faire la bonne chose pour pas te faire manger par la grosse araignée ou des trucs comme ça. Ouais, il y avait, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de Spoiler ça aussi. l'araignée. C'est intéressant aussi quand ton bonhomme t'est forcé d'avancer dans une seule direction. Parce que là, il Ouais. fallait que tu time, là. Ouais, ça, c'était cool. On rit encore de ma C'était mère creepy. qui était Hein? presque en pleurs comme un enfant. Comme, mais là, je saute, je tire, je saute. Oh. Je peux pas contrôler. C'est pas gentil de se moquer de sa mère qui est pas capable, mais Ah, sa mais... réaction sonnait comme un enfant de 5 ans qui était comme « Mais je peux pas contrôler! je trouve que ça provoque pas mal de réactions émotionnelles, Limbo. » C'est vraiment Oui. creepy. Ah, C'est vraiment puis quelque chose. Inside, je trouve. Ah, j'ai toujours pas joué. Ah, c'est Je l'ai tellement tué bon. en plus. Je l'ai probablement acheté. C'est Inside, je pense qu'il y a un petit peu, c'est un peu moins puzzle. Je me souviens pas vraiment d'avoir bloqué sur les puzzles. Habituellement, c'est comme tu vois le truc, tu fais ah, ok, je comprends qu'est-ce que tu veux que je fasse. Puis mais puis c'était pas vraiment dur à exécuter non plus. Après ça, bon, j'ai beaucoup d'expérience avec les platformers, fait que c'était peut-être pas ça. Peut-être que toi, t'aurais plus de misère. Peut-être, je suis Mais vraiment pas bonne. pour moi, ce jeu-là, Inside, c'est 100% de l'ambiance. Puis c'est trop bon, là. C'est pour ça que, genre, j'ai joué à d'autres physics platformers, mais j'ai joué à Limbo, puis j'ai joué à Inside, qui avait 10 000 fois plus d'ambiance. Fait que je suis comme, pourquoi je jouerais à cet autre jeu qui a l'air moins cool? Ah, ok, ben c'est cool, c'est très cool, par exemple. Mais t'es le grade là, mais c'est vrai que je pourrais pas te dire genre c'est quoi tant l'histoire. Ouais, non, c'est à moins de scénario là. Genre, ça. Ou en tout cas, c'est moins dans ta face Limbo, ça peut-être te là. fait filer mal. Ah ouais, non, c'est Genre, malaisant. j'ai jamais autant filé mal d'être mort dans un jeu. C'est comme un... Ben oui, mais le petit gars, il a littéralement l'air d'un enfant mort, là. Il est comme une poupée de chiffon, là. C'est ça qui est creepy, là. La physique, comment c'est représenté, puis tout. Hey, quand il meurt, c'est creepy, là. Ah Ça a vraiment l'air oui. d'un enfant qui, genre, qui tombe, puis ah, oh, Ou juste boy. quand il tombe dans l'eau, genre, puis qu'il se noie, puis c'est comme Ouais, tout puis qui devient flotte. silencieux. Genre, Ouais. c'est ça qui est encore plus fou, c'est que genre, c'est encore plus creepy parce que ça devient encore, tu sais, un jeu qui déjà fait pas beaucoup de bruit. Non, c'est ça, Tombe dans le silence, c'est que encore des plus sons, le là. silence de la mort. Puis là, t'es comme, oh, c'est creepy cette affaire-là. Puis quand tu le fais marcher sur des pics aussi, comme on dirait qu'il fait juste s'enfarger, puis tomber dans les pics, genre. Ouais. Puis c'est là que tu fais comme, oh mon Dieu, la vie ne tient qu'à un fil. Ouais. Ah, c'est si creepy. Bon, après ça, il revit, mais c'est comme bizarre. Tu fais comme, ah, je serais mort. Genre, si ça avait été eu tout d'une shot, il se serait jamais rendu au bout de Ah, ok, sa quête. ouais. Ben, il doit y avoir du monde qui joue une shot, là, mais. Mais en fait, je sais pas. Non, parce qu'il y a beaucoup de trucs que c'est comme, c'est la surprise. C'est comme Oui, la c'est ça, première c'est ça. fois, tu le Non, sais mais ouais, pas, mais. tu meurs. Je veux dire, d'avoir des speedruns, là, mais c'est ça, ouais, je suis sûre que tu peux pas l'avoir d'une shot la première fois parce que t'apprends en mourant. Ouais. C'est ça, c'est pas Oh là là. si dur que ça une fois que t'es mort la première fois puis que tu sais quoi. Une fois que t'as vu qu'il y avait une trappe là. Oui, c'est ça. Et là, Ça, il y tu fais a des juste, ah, pièges. ok, je saute par-dessus. Mais la première fois, genre, non, tu marches dedans. Tu le sais pas. Le genre de Ça, piège c'est. à ours, là. Je peux comprendre, les gens disaient, ah, oh, c'est super frustrant, genre, tu vois pas les pièges, tu peux pas les éviter d'avance. C'est comme. Dans n'importe quel autre jeu, je serais d'accord avec toi. Mais dans ce cas-ci, c'est un choix artistique. Ils ont fait ça de même parce que c'est ça qu'ils veulent que tu ressentes. Puis tu Ah, mais t'es sens. vois les pièges. Tes voix un peu, mais. Sont subtils, Ben, les pièges ou n'importe quoi, là. Genre, toutes les fois dans Limbo que tu meurs en faisant ah, oh, ben là, là? je peux Ouais. pas savoir. Puis, à chaque fois, les gens disent c'est cheap shot, je pouvais pas savoir. Un bon jeu, il devrait me le communiquer pour que je sois capable de l'éviter. Mais là, je réponds à ça. Genre, tu t'en rappelles. Mais pas c'est, dans comme, c'est comme Super Meat Boy, mais ça, il n'y a pas genre plein d'affaires qui arrivent, puis genre ton exécution du niveau, c'est juste qu'à un moment donné, tu l'apprends par cœur, puis tu t'apprends par cœur, il était où les pièges. Ouais. C'est ça, c'est un jeu. Mais Super Meat Boy, c'est un peu plus de l'exécution. Il n'y a pas comme des surprises. Non, t'es sûr? Ah, mais dans Limbo, il y a littéralement des affaires que c'est comme tu marches à droite, il y a une grosse roche, elle t'écrase. Ah, fallait que tu saches qu'il y avait une grosse roche, puis donc que fallait pas que tu marches à droite. Faut que tu y ailles, mais que tu reviennes tout de suite pour pouvoir la dodger, genre, ou que tu sautes par-dessus, ou n'importe quoi. Mais c'est comme, souvent dans Limbo, je te dirais peut-être même la moitié, c'est comme, si tu pouvais pas savoir que ça allait, qu'il allait y avoir de quoi qu'elle allait tuer, puis même si tu pouvais le savoir, ben, tu vas peut-être être capable d'en éviter deux, trois, mais toutes les autres vont te pogner pareil parce que, genre, c'est ça. Mais c'est ça qu'il voulait faire. C'est ce qui contribue au sentiment malaisant de ce jeu-là. Fait qu'il faut juste que tu deals avec. Tu sais, il y en a des livres ou des films où il y a comme, où tu regardes ça puis tu fais comme, ben là, les images sont pas belles ou... ça a l'air... les dialogues sont bizarres. C'est mal écrit. Il y a des longueurs. Puis là, t'es comme, oui, t'aurais raison dans un autre film, mais dans ce cas-ci, c'était voulu. Puis ça contribue. Fait que c'est comme... ça aurait été moins bon s'il avait fait comme tu voulais. Ouais, c'est ça. Genre, dans Limbo, si tous les pièges avaient été bien communiqués avec des gros néons comme dans Mario Bros, que genre, ceci est un pic. Le pic tue. Ceci est de la lave. La lave tue. Dans Limbo, c'est comme... ceci est une forêt. Ah! Il y avait un piège à ours, t'es mort! Mais c'est parce que la terreur serait pas là. Le sentiment de terreur pis d'incertitude serait absolument pas là. Ah oui, si... fait que là, tu deviens qu'à anticiper tout. Fait que t'es comme genre... oh! Oh! Je peux-tu y aller là? C'est ça qui fait que t'es sur le bord de ton siège. L'attention. Ouais. Des bons c'est jeux, peut-être ça. Aussi parce que moi, je suis le genre de personne que, genre, quand je vois un nouvel objet dans un jeu vidéo, je suis comme, ah, qu'est-ce que ça fait, ça? Je vais essayer. C'est comme, ah, oh, il y a un trou. Qu'est-ce que ça fait si je saute dedans? Ah, je meurs. OK. Maintenant, je le sais. Dans Limbo et Inside, j'ai probablement sauté et essayé toutes les manières de mourir du jeu. Juste parce que t'as sauté à quelque part, genre. Comme, hey, qu'est-ce que ça fait si je saute là? Ah, je meurs. OK. Ah, qu'est-ce que ça fait si je saute là? Ah, c'est pas parce que je le sais pas. C'est comme, je regarde ça, je suis comme, si je saute là, je vais probablement mourir. Mais d'un coup, qu'il y a quelque chose, je vais sauter. Ah non, ça tue. OK. Comme que je pensais. Mais je veux les voir, tu sais. Il y a des animateurs qui ont passé beaucoup de temps à animer toutes ces belles morts-là. C'est vrai, par exemple. Puis dans Inside en particulier, là. Genre, hey, il y en a du polish sur comment toutes les manières que tu peux mourir. Ah ouais. Oh my god. Puis à chaque fois, c'est comme. C'est bien fait, là. C'est détaillé. Mais c'est pas détaillé parce que c'est comme. Les couleurs sont à plat, c'est abstrait, mais. Comme la physique des corps, des ragdoll physique est top notch. C'est pas comme goofy comme dans mettons Team Fortress là, que quand tu meurs, c'est quasiment si tu mets pas une screenshot de ton ragdoll pour que tu le shares sur l'internet. Ah, ah, ah, je suis tombé, regarde, mon corps a fait la split. Ouais, non, t'as pas ce genre de... C'est comme... Ça a l'air comme juste trop vrai, pis t'es comme... c'était dégueu, ça. Ça contribue au feeling. J'ai l'impression de t'avoir hijacké ton sujet. Mais non, c'est intéressant. Tiens, on va le mettre sur la feuille de route là, qu'on a parlé de. Ah, tu l'as déjà écrit. Ouais, je l'ai mis parce que ben ouais. On a parlé de Limbo Inside. Mais ça prouve que c'est un jeu qui nous a marqué, parce que c'est un jeu que ça fait quand même un bout de temps que c'est sorti, puis ça fait un bout de temps qu'on a joué aussi. Limbo, ça fait au moins 5 ans. Ouais. Et j'étais allé. Ça veut dire que c'est marquant. Même si j'étais à Trois-Rivières, là, ça fait longtemps. Là. C'était avant que je retourne à l'école, c'était avant 2011. C'est genre 2010. Ça se pourrait bien. Wow! Sinon, qu'est-ce que tu as joué d'autre? Ouais, à part de ça, ben j'ai fini des Sens de Police, mais je sais pas trop qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, à part que j'ai trouvé ça vraiment déprimant, la fin. Mais tu sais, moi, je suis bonne pour avoir tout le temps les pires fins du monde dans un jeu, là. Genre, comme, les pas bonnes fins, là. Ben là, Anne-Marie, you need to get good! Ben oui, mais... je sais pas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le concept du jeu, tu sais, le fait que t'es un chef de police, puis tu gères tes équipes, tu gères tes effectifs, tu décides tes envois sur quel call, t'envoies combien de personnes sur chaque call. Tout ça, c'est le fun. Mais ça a duré quand même longtemps. Au point, à un moment donné, j'étais comme, OK, vont-tu ajouter d'autres choses? Ou, tu sais, c'est souvent comme à la fin de la journée ou au début de ta journée, il va y avoir un petit bout d'histoire qui va faire progresser l'histoire. Mais des fois, il y a comme des longs bouts où il n'y a rien qui se passe avant que tu aies un petit bout d'histoire. Puis, ben, la fin, il y a comme un peu un check à la fin, là. Il y a comme un truc qu'il faut que tu prépares. C'est un assaut avec tous tes effectifs, puis il faut que tu décides où tu places tes escouades, mettons, là. Comme ça, t'as comme une carte de l'endroit où tu fais l'assaut, il faut que tu décides comment tu les places, puis si tu réussis pas, ben, tu meurs, puis tu finis comme pas le jeu. C'est juste comme game over. Puis, j'ai jamais comme réussi à trouver une configuration correcte pour être capable de, genre, au moins réussir ce bout-là, parce que c'est comme à la fin du jeu, là, c'est comme le final showdown, là, c'est le dernier gros assaut, puis là, ça finit comme ça, ça finit en grand. T'sais. Sauf que ça a tout pris pour que j'aille comme une fin, et non genre, ben t'as mal placé tes unités, fait que tu te fais tuer avant même d'arriver, puis game over. Genre. Il a fallu que j'aille sur internet trouver genre comment placer les personnages pour pouvoir au moins avoir accès à... La bataille se passe, puis là, t'as une cinématique, puis tu vois comment, qu'est-ce qui se passe avec ton personnage à la fin et tout, là. J'ai quand même eu une fin mauvaise, là. Fait que, tu sais, j'ai réussi à faire ce test-là, là, cet objectif-là, cette épreuve-là. Puis j'ai quand même eu une fin de marde, parce que j'ai dû mal gérer mes relations avec les autres factions pendant le jeu, parce que je suis pas bonne avec ça. Je sais pas. Mais, j'aimais tellement comme le concept du jeu, puis tu sais, c'est super dark, super cynique, là. T'es un chef de police, puis ça va pas très bien dans ta vie. Ta femme est partie, probablement parce que tu travailles 18 heures par jour, puis t'sais, comme, il y a plein d'affaires qui marchent pas bien, puis mais comme, ça a juste tellement mal fini que ça m'a comme laissé avec un goût amer du jeu. Genre, ça m'a comme pas laissé sur une bonne note. Puis tu sais, c'est que le jeu, je trouvais que ça a pris quand même beaucoup de temps. Que c'était long comme faire le jeu lui-même. Tu sais, passer toutes les journées en attendant d'avoir un bout d'histoire avec peut-être des décisions à faire. Ben, tu passes toutes tes journées. Puis c'est long les journées des fois, là, quand il n'y a pas beaucoup de calls qui rentrent ou tes gars sont sur un call, le temps qu'ils reviennent, c'est comme du temps qui roule. Puis des fois, genre, tu tournes les pouces en attendant que genre les actions s'accomplissent. Fait que c'est beaucoup de travail. Fait que bref, je me verrais pas faire un autre playthrough juste pour voir quel genre d'autre fin que j'aurais pu avoir. Mais là, j'ai vraiment juste eu une mauvaise fin. Puis comme, ça me laisse un peu là-dessus. Fait que... Là, tu peux aller sur YouTube, là. Ben oui. Mais comme tu sais, c'est mon expérience à moi. Hey, j'ai joué 22 heures. Ça m'a pris du temps à finir cette maudite patente-là. Ben oui. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé le concept, mais l'exécution finale, je suis comme moins sûre. Ouais. Ben, ça m'a juste pas laissé sur une note positive, genre. Les jeux, fait que c'est quoi? C'est parce qu'il y a plusieurs fins, puis là tu peux avoir la bonne fin puis la mauvaise fin, genre? Ouais, mais tu sais, je pensais pas que j'avais merdé à ce point-là. Parce que, encore là, tu sais, le jeu... la façon qu'il est construit, là, c'est que tout est gris, puis tout est sombre, puis tout le monde est corrompu, puis il y a comme jamais vraiment... T'as jamais l'impression qu'il y a de bonnes décisions, là. Tout est une plus mauvaise décision, là. Fait que je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça arrive, genre. C'est pas clair. C'est juste pas clair, mais j'ai l'impression qu'il y a comme... il y avait comme pas vraiment de façon de gagner, genre. Que là, le jeu finit vraiment sur une note dépressive puis amère, tu sais. Ouais, c'est peut-être possible que ça soit ça, la fin. Ouais, ouais, ouais, ça, c'est peut-être... C'est pas la mauvaise fin, c'est juste la fin. Ouais, je sais pas si... Parce que je cherchais la solution au genre de puzzle, objectif de... Fait que, il me semble que j'ai lu à quelque part que j'allais avoir la mauvaise fin, mais... Mais tu sais, je suis sûre que les bonnes fins sont pas plus genre ensoleillées et roses avec des petits oiseaux et des arcs-en-ciel, là. Je pense pas, là. C'est sûr que non, là. C'est juste comme... C'est vraiment une histoire de corruption puis de mafia puis de genre... Tout est plus merdique puis tu sais pas donner ton... Tu sais pas qui donner ton appui parce que toutes, mettons, les factions sont toutes corrompues puis merdiques, genre. C'est intéressant, les jeux avec plusieurs fins, puis ouais. Mais c'est juste que, genre, j'aime ça les jeux avec plusieurs fins, que quand tu fais un New Game Plus, ils donnent une façon de passer à travers le contenu plus vite, là. Ça, là, je lève mon chapeau. Quand un jeu fait ça, là, et que j'y lève mon chapeau. Ouais. J'apprécie. Parce qu'aller voir quelqu'un sur YouTube, c'est comme... C'est pas pareil. Je comprends l'idée, mais comme, encore là, la personne sur YouTube, tu sais, je sais pas si elle va avoir fait, là, comme, il va falloir que je regarde tout son let's play pour voir à quel moment, ben, tous les autres moments qu'elle a pris des décisions, quelles décisions qu'elle a pris, pis c'était-tu les mêmes que moi, pis il y a quand même plusieurs moments où tu peux prendre des décisions, là. Fait que... Ben, non, tu vas juste checker à la fin. Mais tu, encore là, c'est ça, c'est, si tu sais pas toutes les décisions qu'elle a pris, ben là, tu sais pas trop comment qu'elle a fait pour obtenir cette fin-là, tu sais. C'est pas qu'est-ce qui a influencé et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas avoir une fin de merde. C'est ce que je trouve bizarre. Quand on parle de jeux avec plusieurs fins, on parle tout le temps. C'est moi qui en parle, puis j'ai tout le temps la pire fin du monde. Mais oui. Ben non, mais non, moi aussi, c'est ça. Puis c'est souvent comme t'as le good ending, puis t'as le bad ending. Fait que d'habitude, c'est comme ben ça finit bien ou ça finit mal. Mais je suis comme, s'il y en a... Moi, ce que je veux, c'est le cool ending. C'est le ending où ce que, genre, ça conclut bien, et genre, que c'est le plus intéressant ending. Parce que si ton good ending il est plate, bah... Ouais, je comprends. Si le bad ending il est plate, ben... Puis c'est quoi, c'était... Qui m'avait dit, genre... C'est Dishonored 1. Dans Dishonored, je pense que si tu fais le jeu comme un gentil, ben t'as un ending, mais il est un peu plate. Ça se peut. Mais là, je veux pas le bon ou le mauvais ending, je veux juste l'ending le plus intéressant. Je veux dire, t'es le writer, tu sais comment tu voulais que ton histoire finisse, puis là t'as rajouté un deuxième manière qui est pas très cool. Ou sinon, c'est que tu savais pas comment ça se finissait, fait que là, t'as juste fait deux endings boboche. C'est comme, non, man, c'est touché faire quelque chose comme ça. Puis là, on parlera pas de Mass Effect 3. Non. Depuis tantôt que tu dis de cool ending, puis je pense juste à Mass Effect 3. Mais je me demande, les écrivains... Tu sais, les gens qui écrivent le scénario d'un jeu, là, je sais pas, sont-ils au courant au début si ça va être un jeu à multiple ending ou ça peut être quelque chose qui est comme implémenté après? Fait que ça veut pas dire qu'il y a une fin canon, mettons. S'ils savaient que ça allait être un jeu à plusieurs fins, ils ont peut-être juste pensé plusieurs fins pis il y en a aucune qui, dans leur cœur, est comme la vraie fin. Ou si le studio a décidé après, genre, oh, on veut que les joueurs aient des choix, ben là, tout d'un coup... Ah, ben là, j'avais pensé à une fin, mais là, je vais rajouter des fins alternatives, comme ça, le joueur peut avoir d'autres choses. Ça, c'est intéressant, ça. Comme, je pense que j'aimerais ça, plusieurs jeux auxquels j'ai joué, j'aimerais ça savoir, comme, à quel moment la personne qui écrit l'histoire a le su qu'elle allait devoir inventer plusieurs fins. C'est intéressant que tu dises ça parce que, tu sais, The Wolf Among Us, là? Oui. De ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vu, le premier épisode, ou c'était peut-être Gab qui nous avait dit ça quand, à l'époque. Quand le premier épisode se termine, il y a un gros cliffhanger. Et ça a l'air que ils ont changé la fin, ils ont changé l'épisode 2 à cause de la réaction des gens à l'épisode 1. Pour vrai? Ils ont eu le temps de faire ça? L'épisode 2 n'était pas déjà fait quand le 1 est sorti? Oui, il était fait, puis ils l'ont pas mal recommencé. Fait que c'est pour ça qu'il est sorti super tard. Parce que genre, ils étaient bien avancés dans l'épisode 2, ils ont sorti le 1, les gens ont joué, puis ils ont fait « Non! » Puis là, ils ont fait « Oh, ok, ben on va changer l'épisode 2, I guess. » J'essaie de me rappeler. Ah, ok, ouais. Je pense que tu trouves une tête, là. C'est ça que c'est passé? Ouais, c'est ça. Ben, okay. C'est... Puis là, dans le 2, c'est comme « Ah, bon. » Ben, ça, c'est ça. Fait que ça demande... Fait que, tu sais... Oui, fait en jeu vidéo, que... ça demande de changer les fins. Mais c'est non seulement les joueurs, là, mais comme des fois aussi, c'est le publisher ou la maison d'édition qui va faire genre « Ouais, non. » Tu vas rajouter ça dans ton jeu. Arrange-toi. Et que là, ça change tout. Il y a aussi... ben, c'est quoi? C'est Brazil, le film, qui est bien connu pour avoir eu comme la fin qui est sortie au cinéma, puis après ça, la vraie fin du cinéaste. Pour parce vrai? Que genre, Brazil, ça finit bien si t'écoutes la version cinémato du cinéma. Mais si t'écoutes la vraie fin du cinéaste, c'est comme... Ouais, ça finit bien, mais non, c'est juste une hallucination, puis en fait, ça finit mal. Oh my god. Genre. Je connaissais pas ça. Oui, il y a comme, t'as les deux versions, là, que tu peux écouter. Puis je pense que, justement, mon père m'a prêté le DVD de Blade Runner. Et, oh! Et c'est que je n'ai jamais vu. Le premier. Je l'ai vu pendant Noël. Le vieux Blade Runner. Je l'avais jamais vu non plus. Et, ouais, et ouais. C'est un DVD avec deux côtés c'est que tu weird. Peux mettre d'un bord ou de l'autre pour écouter une ou l'autre des deux versions. La version... Quoi les deux? Le original cut puis le director's cut. Oh! Fait que là... J'espère qu'il y a des affaires qui s'expliquent dans le director's cut. Ben non! Si ça se trouve, la version director's cut explique encore moins. Ouais, probablement. Mais bon, je ne l'ai pas encore écouté. C'était un peu malaisant. Il y a des affaires qui ont peut-être un peu moins bien vieilli. Là. Mais comme la position des androïdes femmes. Là. Eh. Ah. Eh. Ouais. Ouais. Ouais, c'est des années 80. Il y a des trucs comme un peu rough que j'étais genre hyper malaise. Genre le consentement, mettons. Là. Mais comme c'est un androïde, fait qu'encore là, la notion de consentement, est-ce qu'elle est pertinente? Puis genre, ça soulève plein d'affaires comme ça, je l'écoutais, puis je suis genre, oh, ouch, mon cerveau. Je sais pas comment je me sens. Bref. Mais c'est intéressant parce que c'est un classique, puis j'avais jamais vu ça, puis je me disais, j'aimerais ça voir le nouveau qui est sorti. Je me dis, si je vois le nouveau, faudrait que je vois... L'ancien avant. D'abord, ouais. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Mon père m'avait invité au cinéma à aller le voir avec lui. Puis j'ai fait, ah ben là, faudrait que j'écoute le 1 avant, là. Mais je pense que c'est juste comme le même univers, là. Parce que l'histoire, je pense que c'est vraiment pas relié. Sûrement. Je sais pas. J'espère. Y a-tu Harrison Ford dans le nouveau? Non, je pense pas. Ok. Ben là, à moins qu'il fasse un caméo, là. Mais bon, on va aller voir sur IMDb, mais non, je pense. Mais tu sais, c'est pas le personnage principal, là. Mais ça, je savais, mais est-ce qu'il est là, point? Genre, je veux juste pas le voir. Oui, il est là! Fuck! Oh non. Ben oui, il est là. Avec sa grosse gueule de macho. Ben oui. Fuck, j'étais sûr qu'il serait pas là. Ben, je me disais, c'est parce que c'est autre chose, lui. Damn it. Et oui, il est là. Mon... C'est mon frère ou ma soeur qui m'a dit genre « Ah ouais, je l'ai écouté récemment, justement, je pense, pour lui, à cause du nouveau film. » Puis il disait « Ah, mais c'est tellement plate! » Je pense que c'était ma soeur. Il y a bien du monde qui ont dit que c'était long. Ma petite soeur qui me disait genre « Mais c'est tellement plate, il se passe rien. » OK. Puis tu sais, comme, tu parles à des gens qui ont comme du goût cinématographique. Mon frère et ma soeur, tu sais, ils aiment pas juste des films d'action. Là, ils sont capables d'écouter des films psychologiques où il se passe pas grand-chose. Mais tout se passe dans le non-dit puis dans la lenteur. Mais là, ils disaient genre « Non, ouais, c'est plate, c'est juste long. » Ah, pour vrai? Mais bon, mon frère a aussi dit ça du début de Star Wars 4. Ah, oh boy, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ça. Je sais pas. Ben, il y a comme la fusillade des vaisseaux au début, puis après ça, il y a comme 10 minutes dans le désert où ce qui se passe rien. Ok, ouais, ça se peut. Les deux robots marchent dans le désert. Puis en pratique, ça dure comme 2 minutes. Mais c'est vrai que ça dure comme 10 minutes. Ouais, ok. Mais je pense que c'est important pour installer le mood de qu'est-ce qui s'en venait après. No Man's Sky, c'est ça. C'est la lenteur. C'est que c'est tout. Genre, l'autre jour, je me disais genre, oh man, tout prend tellement de temps dans ce jeu-là. Genre, c'est long, genre, j'avance presque pas. Je finirai jamais, ça me prend comme 200 heures. Mais genre, ouais, mais c'est ça le jeu, c'est. C'est une ode à la lenteur. Puis d'un autre côté, je suis content que ce soit ça, parce que tu sais, je disais tantôt que je veux que ça soit comme weird, puis que je comprenne rien. Mais quand tu comprends rien, ben, tu te prends plus de temps. Ouais, c'est vrai. Genre, tu sais, faut que aller chercher le matériel pour faire ça. Puis après ça, avec ça, je peux construire le premier morceau. Puis là, ça me prend un autre morceau. Puis là, ça faut que j'aille chercher le matériel. Puis il y a une station, puis là, tu rentres dedans. Puis là, c'est cool, c'est beau. Puis... Mais c'est comme, c'est lent. Mais c'est fait de même. C'est le fun des fois, puis c'est frustrant à d'autres moments. Ben, pas frustrant, mais c'est comme... Ouais, je l'ai déjà vu, ça. Ça fait 10 fois que je rentre dans station spatiale, c'est correct. Je peux aller plus vite. Bon. Intéressant. Ça fait penser que je veux vraiment lire le livre Ready Player One avant que le film sorte. Parce que le monde sont déjà super cyniques à propos du film, juste avec le trailer qui est sorti. Fait que je veux pouvoir gagner le droit de chialer sur le film. Fait que pour ça, il faut que je lise le livre. Faudrait que je me botte le derrière puis que je trouve une copie du livre. Mais en fait, ça a l'air que même le livre est pas très bon. Ouais, ben c'est ça. C'est comme de la science-fiction ordinaire. C'est juste qu'ils font des... Ils font plein d'Easter eggs de gamers. Comment? Ok, c'est juste ça, dans le fond. Je me demandais, c'est quoi le hype? Pourquoi tout le monde en parlait? C'est des Easter eggs de gamers. Ils vont faire un film dessus. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est une histoire... Je l'ai pas lu, là. Mais ce qu'on m'a dit, c'est comme... C'est de la littérature ordinaire. Okay. Pas très intéressante, mais c'est des jokes de gamers. Fait que, les gamers en ont parlé. Puis là, il y a un film qui sort, I guess. Ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être... Je sais pas si c'est bon. Ben là, il me semble que j'ai vu quelque part que le film correspondait pas vraiment au livre. En tout cas, le trailer montrait des affaires qui étaient juste littéralement pas dans le livre. Fait que, ouais. Ben, ça va peut-être être une adaptation. Ouais. Une adaptation, c'est toujours de même. T'adaptes le concept ou t'adaptes textuellement? Ouais, c'est... En tout cas, bref. On va peut-être pas avoir le temps de lire. À la vitesse que je lis les livres ces temps-ci, là, c'est-à-dire vraiment pas vite, je vais probablement pas avoir le temps de lire avant que ça sorte. Moi, j'ai... Je parlais de mon père tantôt. J'ai fait un jeu pour mon père. C'était sa fête. Yeah. Il a eu 60 ans. Puis là, je voulais préparer quelque chose, genre comme un texte à lire ou pour souligner cet âge important. J'étais comme, je pourrais faire une vidéo avec des jokes. Puis là, je commençais à penser à ça. Puis là, c'était comme, ouais, mais là, il faut que je parte dans comme tantôt. On est ce matin, la fête, c'est tantôt, j'ai rien de préparé. Fait que là, j'avais un peu abandonné l'idée. Puis là, ma blonde, elle a eu une bonne idée. Elle était comme, mais là, tu pourrais faire un petit jeu? Tu pourrais... Puis là, elle me donne une idée. Elle dit, ah, j'ai fait un jeu au secondaire. Il y avait un avion dedans, puis mon père aime les avions parce qu'il est rendu pilote. Et d'ailleurs, mon père aimerait vraiment beaucoup jouer à No Man's Sky, mais il serait probablement pas capable. C'est trop compliqué. Puis c'est trop long. Mais je suis sûr qu'il aimerait le concept de No Man's Sky. En tout cas. Fait qu'il aime les avions. Fait que là, je suis comme, ah ouais, on pourrait faire ça. Puis là, elle me décrit le truc. Je suis comme, ouais, je dis, ouais, mais c'est parce que je m'en vais dans une heure, là. Faut que je parte dans une heure, là. Puis faut que je me coupe les cheveux, puis que je prenne ma douche. De faire... Ben oui, on l'a fait. Ben, tabarouette. Fait que pendant que je me coupais les cheveux, puis que je prenais ma douche, elle a commencé à le faire du art. Des backgrounds, des petits bonhommes. On s'était entendu sur comment que le jeu allait fonctionner. Là, je sors de la douche. Là, je commence à coder vite. Elle me donne ça. J'intègre ça. Okay, parfait. Bon, finalement, ça m'a pris une heure extra. Fait que je suis arrivé une heure en retard. Mais on a fait un jeu en 2 heures. C'est bien fou, Red. Un jeu en 2 heures. Ça s'appelle En retard pour la chorale, un jeu d'avion. C'est ça le titre, Sherlocké, c'est ça, ce jeu-là. Parce que mon père est dans une chorale, puis 2 fois par année, ils font des spectacles. Puis, ben, vous me connaissez, je suis tout le temps en retard. Puis, je suis tout le temps en retard pour les spectacles de chorale. Tu sais, j'arrive tout le temps comme... La madame, elle a commencé à parler, puis à faire les remerciements, puis les applaudissements, puis les ci, puis les ça. Puis là, je rentre dans l'église, puis là, la billetterie est fermée, puis... Puis là, il faut que j'aille chercher mon billet. Puis là, nanana. Puis, cette année en particulier, pour le concert de Noël, j'étais arrivé, là, j'ai eu le temps de m'asseoir presque, puis commencer à chanter. Oh non. Fait que le jeu, c'est ça. C'est, il y a l'avion à l'avance, puis là, il y a une petite église sur une espèce de rocher, de montagne dans le ciel. Puis là, faut que tu cliques ou que tu pèses sur Spacebar pour sauter le petit bonhomme en parachute. Puis là, essayer d'atterrir sur la plateforme de l'église. L'espèce de roche plateforme où est-ce qu'il y a l'église. Puis là, si tu manques ton coup, tu tombes dans le trou. Fait que là, faut... Puis comme, tu sais, il y a l'avion à l'avance. Fait que, tu sais, comme quand ton bonhomme, il saute, il y a du momentum. Fait que là, faut que tu t'enlignes puis t'essayes de calculer un peu la pente. Puis là, plus les... il y a 4 levels parce qu'on est 4 enfants. Puis c'est... Genre, les parachutistes, c'est nous. Oh. Qui sautent de l'avion. Là, ce que j'aurais voulu, ce serait qu'on voit que c'est mon père qui pilote. Ça serait encore plus drôle. Oh, ben oui. Parce que c'était ça le concept d'origine, c'est genre, oh, on préfère un jeu d'avion avec mon père comme pilote. Ouais. et là, plus les levels avancent, plus l'avion avance vite, puis plus il est haut dans le ciel, fait que plus c'est tough de viser pour qu'il tombe sur la plateforme. Évidemment, le dernier, c'est moi, parce que je suis toujours le plus en retard. Fait que je l'ai mis sur Itch.io, dans mon... Je pense que si vous allez sur narf.itch.io, il y a tous mes jeux sur Itch.io. Puis, j'espère que tu as mis la petite histoire avec. Que c'était pour la fête à mon père et qu'on l'a fait en 2 heures? Ben oui. Ouais. Je pense que j'ai écrit que c'était nous les 4 bonhommes. En tout cas, c'est drôle. Fait que vous pouvez jouer à En retard pour la chorale, 2 points, un jeu d'avion. C'est parfait. Je pense que c'est probablement mon record de vitesse pour faire un jeu, là. J'ai déjà fait des jeux rapidement, mais là, c'était un record. 2 heures. C'est vraiment intense. Avec du beau art que ma blonde a fait. Tu sais, genre, on avait fait un jeu de Noël. Avec, c'est la course en pain d'épices, qui est aussi sur mon profil Itch.io. Oui. Puis même ça, ça nous avait pris comme une journée. Bon, je pense qu'à l'époque, j'étais moins bon pour coder en, avec Construct, là. Mais là, tu sais, quand tu fais un jeu en 2 heures, il faut que tu ailles vite, hein? Fait que genre, le code, en fait, c'est tous des behaviors déjà dans Construct, là. Tu sais, l'avion qui avance tout seul, là, tu sais, j'ai mis le behavior bullet, fait que ça avance, j'ai juste mis bien lent pour que ça avance pas trop vite. C'est le petit bonhomme qui saute, en fait, c'est le behavior platformer. J'ai juste disablé les contrôles pour qu'il tombe, puis qu'il y ait de la gravité. Fait que, comment faire un jeu en 2 heures? Ben, comme ça. Je joue, là. Tu joues là, que, là? Je pense que ton frère vient de tomber dans le vide. Oh mon Dieu! Le son! Oui! Le son! C'est la chanson qu'ils ont chantée à chorale. Ah, oh, tu l'as dû taper? Ben, non, j'ai trouvé un enregistrement sur Internet. Écoute, okay. 2 heures avant, j'étais comme, YouTube, ah ben oui, ok, on le pointe ça. Chope ça dans Audacity, dégueulasse. La blonde était comme, ouais, mais là, il y a full de reverb, c'est laid. J'étais comme, hey, là. Je suis supposé être parti sur une demi-heure. C'est tellement drôle. Puis ça coupe super abruptement. Ah oh, ouais, il faut se prendre d'avance, hein, parce que les bonhommes, ils se pitchent de haut pas mal. Mm-hmm. Mais c'est de la vraie physique authentique, là, Anne-Marie. C'est donc bien drôle. Ah, oh, ça, c'est une arf avec des lunettes! Oh! C'est bien trop cute. Ah oh, ouais, c'est de la vraie physique authentique, ça. Oh my god! Ça marche même quand ton bonhomme, il est pas tout à fait de sa plateforme, mais genre, son bras est sa plateforme? Oui! Ok. Non, mais... Okay. J'ai fait que la plateforme est un gros collider, puis là, tu tombes dessus, puis... Oh, est-ce que... Ouais, c'est ça, c'est comme les bras dans les airs, là, ou comme le parachute plutôt, le coin qui est à côté. Ouais, ça compte. Ça marche pareil. C'est très cute. Il existe un game jam. Ça s'appelle, ça se passe durant le... Tu sais, quand on change d'heure au mois de novembre, là, puis qu'on recule d'une heure, fait qu'il y a une heure qui disparaît. Ouais. Ou plutôt, ouais, c'est ça. Parce que... On avance d'une heure. Non, on recule d'une heure. Ah, ben, OK, fait qu'il y a une heure qu'on a en double de bord. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, comme okay. Le jam, il commence, mettons, à 2 heures du matin... Et il se termine une heure plus tard à 2 heures du matin. Fait que ça s'appelle le Zero Hour Game Jam. C'est bien drôle. Fait que tu fais un jeu en 0 heure, mais en fait, tu le fais en 1 heure. Ouais. Puis là, tu t'as fait un jeu en 1 heure. Je suis comme, man, c'est trop hot! C'est très cool. J'aimerais ça. Faudrait que je le fasse à un moment donné. Ce qui me tente un peu moins, c'est la partie qu'il faut que ce soit entre 2h et 3h du matin. C'est comme... Ouais, mais c'est que je dors. C'est quand même vraiment intense. Faut que tu sois vraiment prêt, hein, parce que en 1 heure, c'est comme... Pas le temps de nier. Ouais, faut que t'aies ton idée, tu fais comme... Ton plan, tu sais, OK, je vais faire ça de même, tac, tac, tac. Faut que ce soit tout petit, tout simple. Faut que tu y ailles penser, ça va être ça. Puis que tu sois prête à que t'as quasiment créé déjà la page Itch.io pour le soumettre. Ouais. Ouais, parce qu'il y a 1 heure, ouais, t'as pas le temps de faire un plan de match. Non. Mais c'est vraiment cool. Parlant d'idées cool vraiment, mon gars, est-ce que t'as vu ce que Nintendo a annoncé hier? Ah oui! Oh my god! J'en reviens pas, mais je sais pas si je vais m'en procurer, là. Ça a-tu un nom? Oui, ça s'appelle Nintendo Labo. Labo. Moi, je trouvais que ça sonnait bien, Nintendo Labo. J'ai comme pas réalisé, mais pour le monde anglophone, c'est complètement bizarre, labo, parce qu'ils disent pas ça, ils disent lab. Parler de laboratoire, ils disent pas labo. Fait que c'est juste en entendant dans un podcast aujourd'hui que j'ai réalisé que, comme en anglais pour eux autres, c'est weird, là, mais pour moi, Nintendo Labo, ça se dit super bien, tu sais. Ah oui, c'est parce que c'est laboratory? Oui, c'est ça, mais en anglais, le monde dit lab, ils disent pas labo. Oui, parce que tu prononces pas le O, c'est laboratory. Ouais, c'est pas laboratory. Laboratory. Ouais. Je le dis, ça sonne bizarre. I work in a laboratory. Ouais, non, tu dis pas ça. Sauf si tu parles, c'est un franco, un immigrant, une personne dont l'anglais est une langue seconde. Voilà. Mais bref, des accessoires pour la Switch en carton que tu montes toi-même. Puis comme il y en a qui ont de l'air vraiment compliqué là, l'espèce de volant pour comme conduire un petit camion là, ben en tout cas pour un jeu de course mettons là. Pas de l'air simple le volant là, il y a des morceaux en plastique puis tout pour solidifier puis tiens. Ah ouais. Ouais, c'est comme pas des niaiseries genre. C'est sérieux là. J'ai vraiment hâte de voir si ça va être un gros succès. Ça fait partie du trip. C'est comme... Tu sais, peut-être que ça fait partie du trip, justement. C'est comme... T'achètes des Lego pour le construire. Oui, non, je pense que ça fait partie du trip de le bâtir. Là. T'achètes juste du monde qui se pose la question de comme la durabilité. Là. Ben... Comme je te dis, okay, ouais, c'est ça. Là. La durabilité, c'est peut-être une autre affaire. Ça, puis, ben, du carton, c'est quand même pas mal plus solide qu'on pense, là. Ouais. Mais tu sais, c'est des enfants, là. S'il y en a un qui décide de mordiller dessus, mettons, là. Oui, mais là... Ça prend peut-être des enfants un peu plus vieux, là. Si tes enfants, ils mordillent leur jouet, peut-être qu'ils devraient pas jouer à Switch. Ouais. Tu sais, en partant. Ouais. T'as pas tort. Puis, tu sais, le carton, c'est quand même solide. Puis comme justement, c'est en carton, fait que d'habitude, ça veut dire que c'est plus léger. Fait que tu sais, même si tu l'échappes, ben... Ah, ça devrait pas se briser tout seul. Ça tombe ouais, pas, ben, le... ça tombe pas ça dépend avec beaucoup de force. Ah oui, c'est la console. Mais encore une fois, c'est comme, si tes enfants, ils pitchent des affaires à terre, peut-être qu'ils devraient pas jouer la Switch. Oui. À 400 piastres, ouais. Mais il faut que soit capable de monter le truc en carton aussi, là. Fait que j'avoue qu'il faut peut-être pas qu'il soit trop jeune. En plus, il y a tout le temps des petits frères et des petites sœurs qui vont vouloir jouer avec, avec l'objet. Là. Surtout si c'est comme un gros truc en carton, un gros volant en carton, ben, comme même si la Switch est fragile, il va tout le temps avoir un petit frère ou une petite sœur qui va vouloir jouer avec le. Le volant en carton. Ben, de toute façon, je m'imagine-tu... Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu vas, comme, réutiliser je sais pas, tant ouais, de fois je sais que pas, ça? C'est durable. Parce que, tu sais, si c'est un mini-game, là, tu t'en fous. Ouais, ben, tu sais, ça va amuser les enfants un temps, là. T'assembles... Le trip, c'est l'assembler, puis après ça, jouer un peu avec, mais après ça, c'est comme... Ouais. C'est tout, là. Mais ça serait pas si ça fasse juste comme s'accumuler chez vous, par exemple, parce que c'est ça, je me disais, peut-être mais que j'en aurais acheté bien. Un si c'était... Quoi? Mais c'est ça qui est génial, c'est un carton! Ça s'accumule pas, tu le fous au recyclage! Ouais, mais si tu veux rejouer, il va falloir t'en racheter un. Fait que tu le gardes. Mais tu vas-tu vraiment vouloir rejouer? Ben, ouais, je pense pas que les enfants vont être comme « Ah, ben j'ai fini de jouer, on le fout au recyclage. » Tu sais, les enfants, ça a comme pas vraiment cette notion-là de comme ça va prendre de la place. Je sais pas, peut-être. Peut-être pas. Ou peut-être qu'ils sont plus comme ben je vais jouer à un moment donné. Je sais pas. Mais à date, c'est ça, ils vendent le gros robot, là, le gros sac à dos qui transforme en robot. Il est vendu à part. Mais les autres, ils viennent comme tout ensemble dans un kit. Fait que ça fait comme vraiment beaucoup d'accessoires dans un seul kit. Ah, c'est correct, ça. Ben, je me dis, s'ils vendent comme, genre, je sais pas, moi, la canne à pêche pour 20$, je l'aurais peut-être essayé, mais comme là, il faut que j'achète tout le kit avec, genre, la petite maison, le piano, la canne à pêche, le volant, là. Ça va faire vraiment gros dépatante chez nous. Mais je vais attendre de voir, genre, je vais attendre que les reviewers de jeux les testent, genre, voir ce comme... c'est-tu vraiment plus pour enfants? Puis qu'il n'y a pas vraiment. Tu sais, y a-tu une profondeur, genre, au jeu? Mais j'ai hâte de voir comme les jeux, ça va-tu venir avec un CD ou tu vas le downloader ou c'est toi qui vont détecter que tu as acheté. Ben, dans le fond, tu vas scanner peut-être ton truc en carton comme un amiibo, puis on va voir, ben, tu as acheté tel objet, fait que là, on va downloader le mini-jeu qui vient avec, tu sais. J'ai hâte de voir ça. Intéressant. Mm. Ouais, c'est un cool concept, là. C'est clairement quelque chose que personne n'avait vu venir. le trailer vaut la peine d'être vu, je trouve. Ouais. Même moi qui est pas particulièrement fan de Nintendo, j'étais comme, c'est cool. Ouais, Lunabit nous dit, la vie, la Switch est pas fragile, là. Ouais, non, c'est pas si... non, ça, c'est fait pour les enfants, là. C'est fait pour que tu puisses mettre les Joy-Con, enlever les Joy-Con, mettre les Joy-Con, enlever les Joy-Con. C'est pas... C'est comme la DS, mettons, là, tu sais, il y a clairement moyen de la briser si tu fais vraiment exprès, là, mais comme si jamais ta bump un petit peu, c'est pas mm-hmm. si pire. Ben, c'est comme un téléphone, I guess. Ouais. Ça arrive. Ben, je sais pas, moi, je, pour avoir déjà brisé l'écran de mon téléphone en ayant vraiment pas tant fait exprès... C'est quand même fragile, cette petite bête, là, faut mettre des... j'aurais pu un téléphone sans protecteur, là. Faut que tu mettes un protecteur qui est un petit peu mou. Genre, j'ai échappé ce truc-là sur du béton et ça n'a jamais rien pété. Parce que le secret, c'est un protecteur en plastique mou. Le nom officiel, c'est du TPU. Je sais pas que c'est une abréviation de polymeru. C'est pas du silicone. Le silicone, c'est dégueulasse, ta poussière colle là-dessus. TPU is the way. Puis ça, tu pognes ça pour 5$ sur Amazon et compagnie. Moi, celui que j'ai, c'est un peu comme le même principe que Otterbox, mais c'est pas un Otterbox. C'est qu'il y a un truc en silicone dedans, puis un caisse rigide qui va par-dessus. Ah, intéressant. Ouais. Fait que t'as le facteur mou, puis t'as le facteur dur. Ouais. Sauf que c'est ça, ça vient comme en deux morceaux qui s'emboîtent ensemble. C'est livré par Amazon, fait que c'est le facteur qui vient te le porter. Fait que t'as le facteur mou, le facteur dur et le facteur qui vient te le porter. Le facteur tout court. Ah, tu vois, moi c'est ça que je trouvais, tu sais, pour revenir au carton, là. Oui. T'as-tu déjà ouvert la boîte de certains produits ou comme je pense la Wii en particulier était cool, genre la boîte était entièrement en carton, il n'y avait pas comme de plastique dedans, mais c'était comme plein de petits séparateurs puis de petits à l'intérieur là, tu sais, il y avait des tiroirs que tu ouvrais avec des numéros puis genre qui d'autre aussi qui fait des belles boîtes comme ça. Des fois, t'achètes... Je pense que c'est le routeur que j'ai acheté. Tu avais comme le petit truc qui tient le routeur dans le carton. T'avais le compartiment pour mettre le fil dans un trou. Puis tu sais, tout se défait puis se sauve dans des petits... Comme, tout en carton. Puis tu sais, quand j'étais arrivé pour mettre ça au recyclage, ben je l'ai tout démonté pour la mettre, l'aplatir puis de le mettre d'une shot. Puis je trouvais ça absolument impressionnant que c'était une seule feuille de carton qui était juste comme découpée d'une certaine manière puis pliée. Mais tu sais, quand tu le défaisais tout, c'était comme un seul grand morceau de carton. Ben, c'est plus facile comme ça. Parce que c'est un immense morceau de carton qu'ils ont juste taillé puis plié, là. Exact. Fait que pour le fabriquer, c'est ça. Mais on le voit dans l'annonce de Nintendo Labo que c'est ça aussi, là. C'est un seul morceau qui est imprimé puis qui est découpé, là. Je sais pas si Nintendo a la même fascination que moi envers les emballages de carton. Qui sont surtout que je trouve ça plus écologique. Parce que tu sais, comme quand t'achètes une affaire avec des estis de boîtes super compliquées à ouvrir, tout en plastique, faut que tu casses. En plastique moulé. Genre, ouais. C'est pas recyclable la plupart du temps. Alors que là, c'est toute une seule feuille de carton. Hop! Ça va se décomposer en pas longtemps. On aime ça. À la limite, je pourrais le mettre dans le compost chez nous. Ouais, je sais pas, par exemple, parce que des fois, la couche sur le dessus, qui est comme un imprimé, qui est comme un peu plus plastique pour rendre Oui. le carton plus imperméable, puis pour moi, ça se composterait pas. Je pense que d'habitude, c'est du papier ciré, fait. Ah Je oui? sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je le mettrais pas réellement dans le compost, mais dans le recyclage. Puis même, tu sais, même si tu le mets dans le dépotoir, ben ça va se décomposer. Fait que c'est correct, I Un guess. jour. C'est sûr que le mieux, c'est de pas l'acheter in the first place. De pas acheter des affaires. De Voilà. pas, ouais. De pas encourager le suremballage. Fait que là, on va acheter des affaires en carton. Ouais, c'est ça. Qui vont probablement venir emballer dans quelque chose, là. J'espère que ça va être tout du carton, là. J'apprécierais ce geste si ça l'était, Ouais. ouais. Ça serait hot. Juste l'assemblage, moi, c'est la partie qui m'intéresserait. Ouais, ça a Pour l'air ça, on cool. va Puis voir ça a combien ça l'air comme coûte. des trucs réellement complexes, là. Fait que ça doit être le fun, là. Ah, on sait déjà combien ça coûte. C'est genre. Ben, c'est sorti en US, là. Je pense que c'est comme 60-70$ US pour le kit avec comme tous les petits trucs. Ça a de l'allure, pour vrai. Ben, tu sais, encore là, c'est en carton, là. Fait que, comme théoriquement, ça devrait avoir de l'allure comme prix, là. Mais le robot à lui seul, il est genre 80$ US. Oh boy. Mais il y a beaucoup de parties de plastique, de poulies dans le robot. Le piston de poulies en plastique Mon à Dieu, assembler. qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Mais je sais pas si tu te rappelles, il y a comme des gants qui viennent avec, puis là tu peux comme donner des coups de poing. Fait qu'il y a comme une poulie que tu tires quand tu donnes ton coup de poing, genre quand tu tires ton bras, ça tire une corde qui est reliée dans ton dos. Oh boy! Dans le sac à dos. Ouais. Oh boy! Des trucs comme ça, ouais, ça a l'air plus ça a l'air plus complexe comme C'est jet. high-tech, mais en même temps, broche à foin. Ben, c'est mécanique, c'est ça qui est quand même cool, parce que les enfants vont être capables de voir, genre, comment, tu sais, c'est beau toute la technologie wireless, puis la détection des mouvements, puis tout, mais comme là, c'est réellement physique, tu sais, fait que j'ai hâte de voir aussi, comme, le feedback de... Parce que t'as un petit robot dans le jeu, dans la Switch, qui va bouger en même temps que toi, là, fait que j'ai hâte de voir, comme, la latence et tout, ça va avoir l'air de quoi, la précision du mouvement, t'sais. Ben, juste pour le trip, je trouve que c'est cool. Ouais, c'est très cool. Faut que le jeu vaille la peine, par exemple. Ouais, T'sais. j'ai hâte de voir ça. Tout le software qui va venir avec ça aussi. Là. Je suis bien curieuse. Parce que j'ai vu la canne à pêche, j'étais comme, ouais, moi j'aime ça, faire de la pêche. Il y avait des. T'sais, on s'inquiète pour la solidité, mais t'sais, je me rappelle, j'ai vu des. Il y avait un Kickstarter à un moment donné, c'était des bureaux en carton. Pour vrai? Puis c'est comme. Puis là, il disait genre, ouais, là, vous êtes en train de vous dire que notre bureau, il est pas très solide parce qu'il est en carton, là. Puis là, il mettait des affaires ultra pesantes dessus, puis ça tenait. Puis genre, il sautait dessus, puis genre, il était comme, non, c'est un vrai bureau, il est aussi solide que ton bureau IKEA. Ouais, c'est assez le carton corrugué, puis comme, puis t'en mets épais, puis tout, c'est clair que ça tient. C'est ça, c'est solide en tabarnouche du carton. Mais le monde qui ont des Google Cardboard, en général, sont très satisfaits de leur appareil, là. Ah, je l'ai pas particulièrement utilisé beaucoup, mais outre la mécanicité de la patente qui fonctionne pas bien, mais genre juste l'appareil lui-même est super solide. Ouais, c'est ça. Le monde, ça a pas l'air de tomber de leur face, là. Ça avait l'air correct. Intéressant. Moi On qui va suivre pensais qu'elle ça. allait peut-être annoncer un genre de Google Cardboard que tu rentres ta Switch dedans. Ah, plus Faire tard, du peut-être. VR? Ben Pour ouais. faire Mais du virtuel? tout le monde se demande s'ils vont se lancer un jour dans le VR. Mais c'est peut-être pas assez family friendly, genre. Tu t'as pas comme du plaisir en famille lorsque tu joues avec un casque de VR d'en face. C'est intéressant parce que de tout. Bon. Ouais, ben, parce que. C'est quoi? Ça fait dire que tu aurais une main pour tenir le casque. Puis une main pour tenir la manette. Parce que c'est ça qui est bien, c'est Ah, c'est que vrai. toutes les Google Cardboard, le problème, c'est le style de manette. C'est que t'en as pas de Ouais, ben manette. oui. Fait que t'as une espèce de bouton dégueulasse sur le casque qui touche sur ton écran de téléphone. C'est poche. Alors que là, t'as deux manettes qui se détachent de l'écran. Fait que c'est parfait. Ben là, fait que c'est juste qu'il faut. juste pas tenter ça comme faux, là. Combien fort, ça? Mais ben, on écoute quelque chose, mais c'est un peu fort. Ah, c'est du Critical Role? Oui. Elle écoute tout le temps ça, cette heure-ci. Je suis pas rendu bien loin encore, là. Parce qu'il y a bien trop d'épisodes de cette maudite patente-là. Mm-hmm. Les épisodes durent comme 3-4 heures de temps, là, fait que je suis pas encore rendu très très loin. Ah, c'est pas grave, ça t'en fait pour longtemps. Ah oui, je vais t'en avoir pour longtemps. Bon, je pense que ça nous amène à la fin de l'émission. Ouais, ça, je me demande si j'ai-tu un podcast à plugger en mot de la fin. Un podcast comme mot de la fin. Pourquoi pas? Non, mais peut-être pas, je regarde là. Est-ce que tu viens de me faire penser à Critical Role? Fait que là, je regarde mes podcasts. Bon, mais pendant que tu réfléchis, je vais plugger mon mot de la fin. J'ai parlé de mon petit jeu d'avion pour mon père. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le seul jeu sur lequel je travaille en ce moment. Je travaille aussi sur un autre petit jeu niaiseux. Mais un genre différent de niaiseux. Et ça s'appelle Light Game et je vais en parler la semaine prochaine. Oh. C'était mon mot de la fin. Intéressant. Oh, ça, attendez-vous pas à grand chose. C'est mon jeu de Noël. Attendez-vous pas à grand chose. Oh. Ma blonde refuse d'appeler ça un jeu. Oh, mais t'appelles ça Light Game, mais j'imagine que c'est. J'imagine que c'est très léger dans la définition de jeu. C'est-tu ça, c'est un light game, Anne-Marie. Oui, c'est ça. Je comprends. Mais c'est aussi un jeu avec des petites lumières. Oh! Mm-hmm. Oh, cool, man! Ça. Comment ça, j'ai pas pensé? Je pourrais mettre du bloom là-dedans. Ce serait cœur, hein? Oh. Je vais faire des tests de bloom. Je sais pas c'est quoi du bloom. Du bloom, c'est quand la lumière a... Ah, dans la vraie vie, c'est quand ta lentille est sale. C'est du lens flare. Non, pas du lens flare. Ben, c'est dans la même famille, là. C'est que ta lentille est un peu sale, fait que quand la lumière elle rentre, elle fait comme... Elle bave un peu autour. Ah, ok. Le Zelda Wind Waker sur la Wii U était full plein de bloom partout. Ok. Parce qu'il était comme... Le bloom d'habitude, c'est très coûteux en termes de performance pour la carte graphique. C'est comme si j'étais comme, bon, ben, Wind Waker, ça demande pas particulièrement beaucoup. Bon, on va mettre des filtres. Ah, on pourrait même mettre du bloom. Oh, wow, on va en mettre full. Genre. Good. Fait que, je sais plus, t'avais-tu un mot de la fin? Ben, j'y pensais, mais dans le fond, je pluguais un jeu sur lequel j'ai pas grand chose à dire encore comme mot de la fin. Là, on parlait de la Switch. J'ai acheté sur la Switch Battle Chef Brigade. Ça fait genre vraiment longtemps que je suivais l'évolution de ce jeu-là, puis j'avais hâte qu'il sorte. Puis j'ai pas encore eu le temps de jouer beaucoup, là, mais. Oh, que c'est cool. C'était un monde. Oui, vas-y. T'es dans un monde où faut que tu défendes ton village des monstres. Mais tu sais, au lieu d'être juste comme un brigadier puis défendre ton village des monstres, tu pourrais être un brigadier cuisinier, puis en même temps que défendre ton village des monstres, ben, tu cuisines pour tout le monde. Ben oui. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui. Fait que là, en même temps... un peu overcook? Non, vraiment pas. C'est comme un side-scroller brawler où tu pètes des monstres. Puis là, faut que tu les amènes le plus vite possible parce que t'es tout le temps timé. Ça, c'est l'affaire que j'aime moins. J'aime pas trop ça me faire stresser. Là. Fait que j'ai peur que ça m'achale un peu dans le jeu, mais en tout cas, on verra. T'es timé. Mais faut que tu amènes ça à tes chaudrons. Puis quand tu mets des ingrédients dans un chaudron, ça fait tomber des petites billes de couleur dans un quadrillage. Puis là, ça devient un jeu de match 3. Mmh. Faut que tu matches les couleurs ensemble, puis là ça donne des couleurs encore plus fortes, puis là t'es matches ensemble, puis là ça donne des trucs encore plus forts. Non. Puis t'es dans une compétition pour devenir un battle chef brigadier. Non mais c'est ça le concept, c'est que c'est tout le temps, t'es tout le temps comme en compétition contre un autre genre qui veut, un autre aspirant brigadier. Fait que t'as tout le temps un juge, Fait que là, chaque épreuve, le juge va dire, mettons, je veux que tu cuisines aujourd'hui la queue de grosse bébite avec pas d'œil puis une grande bouche pleine de dents. Puis la saveur qu'on aimerait avoir, ben c'est, mettons, c'est genre terre, eau puis feu. Je pense que ça date les saveurs que j'ai bu. Fait qu'on aimerait savoir une saveur un peu terreuse. Fait que là, faut pas que tu oublies l'ingrédient spécial. Puis faut que tu ailles chercher des billes vertes le plus possible. Hey Puis là, boy. ben, c'est celui qui... Fait que c'est à la fois un side-scroller brawler et un jeu de match 3 quand t'es rendu dans tes chaudrons. C'est vraiment cool comme concept. Ben. Fait que bref, je vais continuer à jouer à ça. Je vous en reparlerai plus. C'est ce qui nous amène à la fin de l'émission. Si vous avez aimé ça, vous pouvez vous abonner en allant sur onajusteunevie.ca. Pour avoir tous les liens dans la barre à gauche. Là, j'ai tout mis ça clean là, parce qu'on était rendu, mais on avait plein de liens. Là. Il y avait plein d'icônes, il y avait toutes des tailles différentes parce que je suis pas bon pour faire ça. Oui. J'ai fait fuck this, ça va être du texte. Du bon vieux texte. Ça, c'est facile. Fait que tu peux cliquer sur iTunes, boum, ça t'amène sur iTunes, tu peux t'abonner en podcast. Tu peux cliquer sur YouTube, boum, ça t'amène sur YouTube, tu peux l'écouter en podcast, vidéo, I guess. Puis là, tu peux t'abonner là. Et puis, on a aussi notre channel Discord, puis notre channel sur Battle.net. Là. Ça serait cool qu'il y ait plus de monde dedans, mais je sais pas qu'est-ce qu'on fait. À date, j'annonce les épisodes dedans, mais je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Ah ben, c'est pas pire ça. Mais tu vas-tu sur le channel Discord un peu? Je pense jamais. Il est pas ouvert de base, fait que... Je l'ai sur mon téléphone, en fait, c'est ça l'affaire. Fait que, si quelqu'un écrit dedans, je vais le savoir tout de suite. Ah ben oui, il y a des nouveaux messages. Ben là, c'est moi qui annonce les podcasts. Mais faudrait juste que j'y pense, que genre, à un moment donné, je fasse comme, bon là, je veux... Dans l'annonce, puis je dis, ah, je veux jouer à Heroes of the Storm. Venez jouer avec moi. Comme ça, ça vaudrait la peine, je trouve. Ouais. Et sinon, bien sûr, on est distribué sur l'entredugeek.net. Ouais. Si vous pouvez nous écrire, vous pouvez écrire par email à info@onajusteunevie.ca ou nous envoyer des messages sur Twitter ou Facebook. Sur Facebook. Merci Anne-Marie. Merci Naf. Et on se retrouve la semaine prochaine. Parce que on a juste une vie. Puis on veut savoir comment cuisiner les monstres dans un brawler de bouffe. Puis ça va être le segment.